Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 101e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et voilà, on tourne la page, la centième est passée, on passe aux centaines supérieures. Putain, je bafouille déjà, alors c'est même pas l'intro. T'as des restes apparemment. Putain, mais je bois que de l'eau en plus, hein. C'est ça qui fout. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, en fait c'est de la vodka, mais chut. Et du coup, on a quand même pas mal de choses à dire. Depuis la centième, c'est quand même écoulé un mois depuis le dernier enregistrement. On vous remercie encore de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous, certains auditeurs en tout cas pour cette centième. Mais là voilà, on va retourner un petit peu maintenant dans la routine. On a pas mal de choses à voir. Il y a le showcase de PlayStation qui a eu lieu hier. Vous avez pu le suivre avec nous en live. Live chaotique certes, mais live quand même. voilà. On a eu le temps du coup de digérer un petit peu tout ce qu'on a vu, notamment pour le PSVR 2. Et ben, on va pouvoir en discuter ce soir. Mais tout d'abord, j'accueille Majo, salut Majo. Hello. Qu'on entend ça enfin, ça va et toi? Ouais, qu'on entend. Bah ouais, j'ai été censuré hier soir, sachez-le. Mm. Voilà, c'est-à-dire que mon volume était à zéro. Ça, il n'a pas voulu me laisser parler, donc. C'est ça. Alors j'étais là en off. Par contre, il a pris cher. Vous avez raté quelque chose. C'était un problème informatique. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. C'était un problème informatique. Problème technique. Un bug. Les aléas du direct. Donc, indépendant de notre volonté. Tout était préparé et organisé, bien entendu. Mmh. Au moins, vous nous connaissez. Au moins 5 jours à l'avance, effectivement, ou 5 minutes à l'avance plutôt. 5 minutes. On était plus sur 5 minutes. Plutôt sur 5 minutes. Je crois qu'à 1 minute 10, on n'était pas prêt encore. Hein. ouais, c'est clair. C'est dommage que j'ai pas pu enregistrer d'ailleurs ton intro, Laurent, parce que c'était quand même assez épique. Bah, putain, ça marche pas. 1 minute 10, j'avais pas de son. Voilà, c'est ça. Bon, ça va, Laurent? Oui, ça va, nickel. Ouais, impeccable. Bon. Il se passe 2-3 trucs en ce moment, c'est pas mal. Oui, mine de rien, il se passe quand même des choses sur le PSVR 2, on va pouvoir en parler. Et enfin, nous avons El Rocco. Salut, El. Yo, ça va, El? Ouais, au poil, comme d'hab. Ouais. Content. Chill, tranquille. Chill, content. J'ai digéré ce que j'ai vu hier. Ouais. Et évacué, analysé. Évacué, analysé. Mmh. Et puis bah, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Autant en plat qu'en verre. D'accord. Bon. Garde le port tout à l'heure. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par les news de Laurent. Et tu as des choses à dire. Alors, déjà pour commencer, un truc assez bref concernant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'émission depuis un petit moment, donc un petit article rapide qu'on a mis en ligne sur les câbles USB-C arrachés. Ah, oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous conseille d'aller voir l'article directement, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés, et bon, l'accident bête, le câble du PSVR 2 branché sur la PS5. Là il y a un gros chien qui passe ou un enfant ou son conjoint qui passe, qui attrape le fil et apparemment ça s'arrache au niveau de l'embout métallique de l'USB-C. Sur Reddit, c'est impressionnant le nombre de personnes qui ont arraché ce câble là. On a fait un petit article dessus pour parce que bien sûr le SAV de PlayStation ne le prend pas en garantie étant donné que c'est un arrachement et que derrière il y a un forfait de 300€ pour changer une petite pièce qui coûte 1€. Donc on vous donne quelques ficelles pour éviter ça. Et puis, alors, petite précision sur, on conseille de mettre un adaptateur magnétique. Par contre, on n'a pas précisé de modèle. Et apparemment, il y a certains modèles d'adaptateurs magnétiques qui ne sont pas suffisamment forts au niveau de l'aimant. Et du coup, le fil s'enlève tout seul. Ou inversement, il y en a qui ont des aimants super puissants. Et du coup, ça arrache tout quand même. Ça arrache les fils. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour dans le Discord parce qu'il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Et puis, il y en a qui ont trouvé les bons modèles. Donc, peut-être que je ferai une mise à jour sur cet article pour préciser quel modèle on vous conseille. Parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptateurs testés par la communauté. Voilà. Donc certains qui avaient des petits problèmes de flux justement et qui empêchaient le tracking sur certains jeux. Il y en avait certains qui avaient même un écran noir. J'ai reçu des mails de personnes qui ont acheté un adaptateur. Ouais, j'ai acheté votre adaptateur en suivant vos conseils. Et ben, ça marche pas, j'ai un écran noir. Sauf qu'on n'a pas précisé de marque à acheter. On a dit essayer d'en trouver un bien, mais on n'a pas précisé. Donc il y a eu un peu de tout. Et puis c'est pour ceux à qui ça arrive et qui a vraiment un arrachement, il y a aussi la possibilité de réparer ce parce que l'embout USB-C a changé, coûte 1,20€ sur internet, donc c'est peut-être mieux d'essayer de trouver quelqu'un qui puisse vous faire les bonnes soudures plutôt que de payer 300€ de forfait pour avoir un nouveau câble. Voilà. Ce qui serait bien surtout, c'est que Sony dans sa version 2 du PSVR 2 prévoit de pouvoir démonter le câble comme pas mal de casques. Le démonter, on peut le faire, ça c'est pas un souci. Le problème, c'est que tu trouves pas le câble. Et c'est là où ça coince. Il le propose même pas en pièces détachées ? Non, ni les Sense, voilà, ni le câble en pièces détachées. C'est vraiment casse-gueule ça. Donc est-ce que ça va se faire plus tard ? Parce que je suppose que vu le nombre de messages qu'il y a à ce sujet, à mon avis, ça pourrait bien arriver. Pour l'instant, c'est pas accessible, donc démerdez-vous quoi. Ok. Donc ça, c'était pour la première news. Voilà. Ensuite, on va parler de Bloomberg. Oh, dis donc, nos amis Bloomberg. Nos amis Bloomberg pour la troisième fois, parce que est de notre ami journaliste. Je te dis comment, Takashi Mochisu. Ah bah t'es arrivé pendant la répétition, merde, Laurent. Ouais, j'y arrive plus. L'autre fameux journaliste Takashi Mochisuki. Voilà. Donc qui nous avait sorti son bel article le 30 mars 2023 sur le site Bloomberg en annonçant que d'après ses sources, et il avait cité ses sources, c'était un rapport qui venait de IDC. Bien entendu, nous on a été chez IDC pour chercher ce rapport parce qu'on ne trouvait nulle part le rapport. J'y ai passé une bonne demi-journée à chercher un rapport en lisant tous les rapports un par un. Aucune mention de ces 270 000 exemplaires. Donc, c'est là où je vous avais dit que c'était peut-être sur un rapport qui coûtait 4 500€ à acheter. Donc, je ne l'ai pas acheté hein, pour tester. Et bien, cette news était sortie le 30 mars 2023. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un petit temps de latence. Et puis, à partir du 1er avril, 2 avril, la presse mondiale s'est réveillée et a commencé à en rajouter. Hein, parce que l'échec du PSVR 2, le bid, tout ce qu'on a pu entendre, le fiasco du PSVR 2, ça a été rajouté en surcouche parce qu'à la base, l'article de Bloomberg ne parlait même pas de fiasco. Par contre, il mettait en relation les 2 millions de PSVR 2 qui auraient dû être en production et les 270 000 exemplaires. Bien sûr, il y en a qui en ont déduit ils voulaient sortir 2 millions d'exemplaires le jour J, ils voulaient vendre 2 millions d'exemplaires le jour J, ils n'en ont vendu que 270 000, donc c'est un bide. Alors qu'on ne confond pas une prévision de stock et des ventes réelles. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Et donc, Sony a communiqué. Et alors, c'est très drôle comme ils ont communiqué. Donc, c'est Jim Ryan qui a sorti un rapport également. Donc, il a sorti ça, je ne sais plus quand, il n'y a pas très longtemps. Il y a 2-3 jours. Et donc, dans lequel on peut voir que le PSVR 2, d'après les chiffres de Jim Ryan, serait pas loin des 600 000 exemplaires vendus en 6 semaines. Donc, les 6 premières semaines d'activité. Et c'est très marrant parce que c'est intéressant parce que de toute façon c'est un rapport qui va s'adresser directement aux investisseurs qui doivent être justement inquiets suite à l'article de Bloomberg. Et ce qui est marrant, c'est que quand on compte les 6 semaines et qu'on remonte à partir du 22, on part du 22 février et on compte les 6 semaines exactement, on tombe autour du 5 avril qui correspond exactement à la date où la presse était en feu et elle n'arrêtait plus de fracasser le PSVR 2 en disant que c'était un bide, PlayStation avait fait un énorme fiasco et compagnie. Donc ce qui est marrant, c'est qu'au même moment où tous ces journalistes étaient en train de parler de 270 000 exemplaires vendus et que journalistes, calmons-nous hein. Parce qu'il y avait aussi du trou de balle sur YouTube. Hein. Ah, il y avait de tout. Influenceurs, journalistes, enfin, il y avait de tout, ça, c'est sûr. Et au même moment où ils étaient, eux, en train d'annoncer 270 000 exemplaires vendus, et bien Sony savait déjà qu'ils en étaient à pas loin de 600 000. Ça doit tourner autour des 590 000 si on regarde le graphique à peu près. Ce qui est un super chiffre parce que le PSVR 2 a dépassé de 8%. Sur la même durée, sur le même laps de temps, les ventes du PSVR. On vous rappelle que le PSVR 2 a au moins 4 ou 5 boulets aux fesses. Le premier, c'est que... Pas des moindres. Et pas des moindres. Le premier, c'est déjà le prix. le prix qui est quand même assez élevé. On a aussi qu'il est sorti en février et il n'a pas profité des fêtes de Noël. Également, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les priorités économiques de chaque foyer. Hein. Bah oui. Les augmentations, l'inflation de l'inflation globale. C'est ça. Donc les priorités changent. Uniquement sur un parc PS5 qui était inférieur à celui du parc PS4 lors de la sortie du PSVR1 le 13 octobre 2016. Uniquement en vente dans le PlayStation, le store direct, le direct PlayStation. Et pas en magasin, du coup. Et pas en magasin. Donc ça fait beaucoup de points. Et malgré tout ça, il arrive à faire 8% de plus que le PSVR. Et en plus, avec en plus la presse qui le massacre. Donc c'est plutôt un bon chiffre. Donc voilà. C'est, ce qui était intéressant, c'est de voir. Alors là, après coup. Eh bien, il y a les organismes de presse qui l'ont bien fracasse et qui ne vont même pas en parler de ces 600 000, parce que pour eux, ça n'existe pas. La vérité, c'est 270 000. Ils préfèrent croire un journaliste véreux qui a déjà été viré du Wall Street Journal en 2020 pour des problèmes de fake news que croire le constructeur lui-même qui doit être celui qui doit avoir les chiffres quand même. Bon. C'est vrai que j'ai vu que même pas que les journalistes ou des influenceurs, justement, t'as aussi des gens sur les réseaux sociaux qui commencent à se dire « Mais non, mais les chiffres de Sony sont faux. De toute façon, ils voulaient vendre 2 millions et c'est faux. » C'est ça. Voilà. Et on l'a vu, quoi. Donc c'est... Ah oui. On peut plus rien, quoi. Voilà. Je veux dire, la Terre est plate. On a vu 2-3 neuneux. On a vu 2-3 neuneux. Non, mais c'est pas vrai. De toute façon, ils voulaient en vendre 2 millions et ils en ont vendu que 270 000. À savoir, le Quest 2, qui apparemment est un succès pour ces gens-là, s'est vendu en 4 mois 1 820 000, à peu près. 1 860 000, un truc comme ça. Donc 2 millions le premier jour, c'est totalement impossible, en fait. C'est n'importe quoi, quoi. Non, 1,87 million d'unités en 4 mois, le Quest 2. Voilà quoi, c'est bien parce que Sony, comme ça, donne une réponse avec du retard, oui, il est temps. À tout ce qui s'est passé. Ça remet en cause un petit peu tous ces types qui sont là que pour faire du buzz et qui n'en ont strictement rien à foutre. Mais c'est ça que les gens veulent. Et Laurent, du sang. Ça dit. Mais oui, mais ils Internet, veulent du sang, ils veulent du buzz. Ils veulent du sang. Ils veulent du sang, du bad buzz. Nous l'a dit. Mais oui, les bonnes nouvelles, les gens heureux, tout ça, les bonnes choses. Ça n'intéresse personne. Et puis voilà. Et c'est qui disait justement, on en parlait tout à l'heure, qu'il y en avait qui commençaient à gueuler. Pourquoi ? Parce que le. Qui avait cassé un produit et qui derrière se plaignait qu'il y avait un jeu, c'était Days Gone, qu'il y avait des journalistes maintenant qui commençaient à se plaindre dans des articles. Qui n'avait pas la suite de Days Gone. Ça fait longtemps. Alors qu'au même moment, ils avaient été les premiers à fracasser le jeu. Oh, mais ça fait un moment, ça. Ouais. Fallait pas avoir de la merde dans les yeux. On en parlait tout à l'heure. Bah après, il était quand même fini avec le cul à sa sortie, de mémoire. Oui. Il y en a beaucoup. Il a été patché sur le résultat. Oui, tout à fait. On peut citer No Man's Sky. Ah oui, ça s'est fait. No Man's Sky, à ses débuts, c'était... Comme Fallout 76. Non, je suis tout seul. Non, c'est vrai. Aussi. Oui, t'as essayé de m'initier. Bah, Cyberpunk au lancement, c'était pas ça non plus. Ah non, mais maintenant il est magnifique. Mais si t'as la bête... Witcher 3, d'ailleurs, je crois qu'au début... Witcher 3, c'était la cata au départ. Il me semble, alors que maintenant, c'est vrai que c'est autre chose. Ah, mais bon, on revient toujours sur le nombre d'heures que les gens passent pour découvrir un jeu. Et puis, à partir du moment où ça saoule, c'est trop dur, ou c'est trop ci, trop ça, pas assez, on le lâche. Et puis, on fait les 5 premiers succès du jeu, et puis on le lâche. Attention, Alroco, tu vas te faire tailler dans les commentaires si tu commences sur on ce est, jeu-là. On attention. Pas, alors, on pas j'ai déjà une opinion personnelle. Majo a déjà pris bien cher, donc... Faut pas faire ça. J'ai une opinion personnelle qui concerne que moi, et je l'assume totalement, et puis je joue suffisamment... Je te rejoins, ça me concerne aussi, mais non, bon, après, si les gens je joue suffisamment pour consommer comme ça... Excuse-moi, on va pas gueuler le jour où il y aura que de la merde. Tu m'obligeras pas à finir un mauvais jeu, de toute façon, ok, je suis pas con. Hein. Ah non, exactement. Okay, à partir du moment où t'as 80% de gens non, qui mais, finissent mais pas f- tous les mais jeux, finir tu des peux bons pas jeux. Croire que tous les jeux sont mauvais, si tu veux, c'est ça qui est... Mais, et finir les bons jeux aussi. C'est pas grave. Non, mais on parle pas des bons jeux, vive le Game Pass, tu nous emmerdes, t'as pas d'argument. Ah, mais c'est deux choses différentes, ça. Parce que le Game Pass, c'est un mode de consommation, c'est autre chose. Je sais, mais on a vu tout dans les commentaires. Ça va avec. Ça confond tout, en fait. Allez-y, taillez. Bah, je répondrai si ça vaut le coup. Game Pass, PS Plus, comme je l'ai dit, moi je l'ai eu, c'était, je n'ai fait que tester des jeux. Quoi. Alors, de toute façon, en plus, le PS Plus, c'est plus des anciens jeux, c'est pas vraiment des nouveautés, mais pas comme le Game j'imagine Pass, que l'effet est le même avec le reste. Quoi. De toute façon, l'abondance, on voit ce que ça donne déjà avec Disney Plus, Netflix et Amazon Prime. Exactement. C'est quantité, qualité, voilà. Au début, on était là, maintenant, c'est... Bon, bref. Oui. Autre débat. Où en est Téton? Ouais, mais c'est très similaire, hein. Ça reste très lié quand même. Oui, complètement. Le format est différent. C'est le même système. Le média est différent, mais c'est l'abondance, en fait, comme dit Elroco, c'est plus. Les gens seront trop fatigués pour se désabonner, de toute manière. Tu ne payes plus pour aller au restaurant, tu payes pour aller au buffet à volonté. Donc, exactement. Du coup, tu te gaves comme un porc. Sans, en picorant. Et après, t'es gros. Et après, tu manges mal. Ça crée des problèmes de société. Le Game Pass fait grossir. Putain, on va avoir des problèmes, les gars. Exactement. On va avoir des problèmes. On va se prendre des rageux, je vous le dis. Oh, mais on en a tout le temps des rageux. Même quand on dit des bonnes choses. Salut les rageux. Heureusement, déjà, Steph est pas là. Il va pas pouvoir se faire chier dans la bouche. Donc, c'est déjà non, pas mais mal. Si tu cumules jeu en démat, Uber Eats, canapé, franchement, 25 ans, t'es mort. Oh, combo. Est-ce que c'est une mauvaise chose, Majo? Je te le demande. Je suis pas sûr. Ça pourrait peut-être faire le ménage, effectivement. Putain, on est hardcore quand même, ce soir. Ouais, j'avoue. C'est parce que je suis là, les gars. Alors, on vise personne. Voilà, comme ça, le problème est résolu. On vous aime tous. On vous aime tous, nos amis. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bien, sur ce message de paix et d'amour, bien Laurent, sûr. T'as autre chose à rajouter dessus? Oui, vite fait, je voulais revenir sur ce chiffre de 600 000 quand même, qui est, enfin, c'est pas exactement 600 000 parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais sur la courbe, si tu regardes bien, si tu traces le trait, c'est pas tout à fait 600 000. On est très moqueur ce soir. C'est 590 000, donc on va dire 590 000 si vous voulez, mais j'arrive bien à 600 000. Ils ont raison. mais bon. Il faut quand même admettre que passer de 270 000 à 600 000 en 3 jours, c'est quand même pas mal. C'est une belle perf. Hein. Donc, ce qui veut dire quand même. Non, mais ça correspond avec l'ouverture dans les magasins. Ce qui veut dire quand même qu'ils ont vendu 330 000 exemplaires en 3 jours. Entre le moment où Bloomberg a balancé son article et le moment où ils ont eu les chiffres. Si Bloomberg a raison. Donc, oui, finalement. Ce qui est intéressant, c'est 600 000 PSVR2 en 6 semaines, c'est quand même un super bon chiffre. Si on fait 1x2 en 3 mois, ça nous ferait 1,2 million. Je vous arrête tout de suite parce que ce ne sera pas possible, parce qu'on n'est pas justement sur une période. Vu que le casque a été lancé en février, de toute façon, les ventes vont baisser. Là. Il ne faut pas croire qu'ils vont tenir ce rythme. On arrive sur l'été. Hein. On arrive sur l'été. Il y a le showcase qui est passé par là. C'est ça. Donc théoriquement, si on calculait par rapport au PSVR, on devrait arriver à 1 million d'unités vendues en août. Mais ce ne sera pas le cas parce qu'en juillet-août, ils ne vont pas en vendre des masses. Parce que c'est pas cette période-là qu'on achète un casque VR en général. Donc en fait, il va falloir qu'ils rattrapent leur retard. Mais c'est pour ça que c'est important de comparer d'une année complète par rapport au PSVR sur une année complète et pas sur quelques mois. Derrière, il y a les fêtes de Noël, donc c'est vraiment cette période de septembre, octobre, novembre qui va être super importante pour vraiment mettre le casque sur les rails, parce que là, ils ont pris un bon départ. C'est possible que la courbe passe sous les ventes du PSVR en juillet-août, même juin-juillet-août, là. Et puis c'est pour ça que j'attends le coup de fusée au mois de septembre, parce que c'est là qu'il va falloir mettre le paquet s'ils veulent le vendre. Parce que c'est... Voilà. Donc... Et pour le reste, non, on l'avait déjà dit dans les deux premiers articles, on en a déjà parlé dans le podcast. Bloomberg, il faudrait qu'il fasse gaffe à ses rédacteurs par moment parce que ils perdent de la crédibilité et puis voilà quoi. Je suis pas certain qu'ils en perdent plus que ça en fait. Ils ont vraiment beaucoup de casseroles, que ce soit dans la sphère technologique, politique, etc. Ils ont quand même, quand on commence un petit peu à creuser sur Bloomberg, on se rend compte que c'est Il y a des très bonnes choses dedans, il y a des très bons rédacteurs, oui, et de la bonne investigation, mais tu en as certains. Notamment un procès contre Vinci, 5 millions de dollars quand même, pour des fake news qui ont fait baisser le cours de Vinci, donc la société française. Ils ont été accusés, ils ont été jugés pour leur incompétence. Donc il faut faire attention à ce qu'on lit. Ce qui est plus dramatique, c'est les petits électrons libres qui sont autour, qui m'inquiètent le plus, notamment en France à notre échelle, mais dans tous les petits pays, il y a eu des influenceurs et qui disent « Bon, si Bloomberg l'a dit, c'est que c'est vérifié, je vérifie pas. » Et personne n'est allé remonter pour voir qui était la source de Bloomberg, quel rapport de IDC leur avait sorti. Et ça, vous pouvez le chercher. J'attends encore qu'on me le montre, ce rapport à 270 000 exemplaires venant d'IDC. Parce que si ça se trouve, c'est... Ah, j'ai perdu son nom. Si ça se trouve, c'est Mochizuki. Takashi Mochizuki qui a inventé ce chiffre juste pour faire des vues. Hein. À la voici, voilà. Donc, Après, c'est pas une demande rhétorique. Hein. Par exemple, si quelqu'un a vraiment le document, on est vraiment preneur. Hein. Mais je l'ai cherché de partout. Donc, à mon avis, ça fait. Parce que IDC fonctionne avec deux types de rapports. Il y a les rapports publics, où c'est que tu peux les lire tranquille. Et puis, il y a une partie rapport, où là, c'est des rapports. Par exemple, un rapport sur l'AVR, c'est vraiment 4 500 $ le rapport. Donc, c'est pas n'importe qui l'aura dans les mains. Quoi. Ok. Bon, en tout cas, voilà. La mise au point. Ça limite les vérifications. Quoi. Et voilà. Et en plus, tu sais pas ce qu'il y a dedans. La mise au point est faite, en tout cas, même si c'est une réponse un petit peu tardive de la part de Sony, au moins, elle a le mérite d'exister et puis de mettre un petit peu les choses au clair. Et puis voilà. Si tant est qu'on ait suffisamment confiance en Sony pour croire leurs chiffres. Ils sont faux. Les chiffres de Sony, c'est n'importe quoi, c'est 270 000. Complot. Voilà, c'est un complot. C'est un coup des reptiliens encore, c'est sûr. De toute façon, ça se voit. Il n'y a qu'à regarder des vidéos sur internet, hein, donc c'est pas des conneries. C'est ça, ouais, c'est vrai. Et puis voilà. Bon, bref, en tout cas, Sony nous a aussi gratifié hier. Donc hier, on était le 24 mai, d'un showcase PlayStation d'une heure présenté par notre Jimmy Ryan préféré, qui a l'air tellement sympathique. Ça sent le troll. De quoi ? Non, je dis d'un quoi ? D'un showcase. Un showcase, oui. Oui, un showcase. Ah. T'as un showcase où tu présentes des choses que tu n'as jamais présentées avant. C'était pas un state of play ? Ce n'était pas un state of play. Parce que c'était pas un state of play avec un hardware au milieu ? Non, pas vrai. State of case. State of case, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal, je garde. Elle est pour toi, Steph, celle-là. C'est cadeau. Si tu me regardes de là où t'es. Et puis, on a suivi ça en direct, comme on disait tout à l'heure. Par où commencer ? Je pense qu'on va déjà commencer par faire un petit listing de tous les jeux VR qui ont été présentés dans ce showcase. Beat Saber. On va commencer par nouveauté. Évidemment, Beat Saber, le jeu qui est le plus attendu par tous les joueurs, quels qu'ils soient, qui jouent sur le DLC. Le DLC de Beat Saber. Et en plus, le DLC qui nous a fait sauter la monétisation. Donc, merci Beat Saber. Merci Beat Saber. Monétisation qui était déjà démonétisée d'ailleurs, je crois. On l'avait surtout pas activé. Comme on a expliqué à la centième, on n'a pas envie de gagner, tu vois. On veut pas de la réussite. Exactement. Ça nous intéresse pas. Quitte à pas en avoir, autant pas les donner aux autres. Exactement. Et puis quand elle est activée, tu pleures tellement quand tu vois la somme que tu gagnes que finalement tu peux la désactiver. Ça ne sert à rien, on n'a pas de temps à perdre avec du pognon. Donc voilà, Beat Saber. Alors Beat Saber, il me semble que Majo, tu as transpiré un petit peu du fion pour avant l'émission. Ouais, exactement. Alors j'ai été le chercher. Donc en fait, ça a été annoncé donc pour sortie Out Now, You Can Play de suite, allez le télécharger. Et puis, je le trouvais pas sur le store et aujourd'hui il est apparu donc il y était, donc je l'ai téléchargé, je l'ai testé tout à l'heure. Donc j'ai joué, pour être très honnête, 11 minutes. Wow. Ça faisait très longtemps que je l'avais T'as pas T'as moins joué que moi à No Man's Sky, hein, quand même, hein, sur Exactement. PC. Exactement, presque pareil. Oh, mais ça suffit pour faire du jus, hein. 11 minutes de heures, ça suffit. Et du coup, alors. Mise à jour totalement gratuite, donc sans surcoût, si vous possédez la version PS4. Ça, c'est très bien, une bonne chose. De Beat Saber. Je pourrais pas vous dire si, mais bon, j'ose espérer que c'est le cas. Si vous avez acheté des packs sur la version PS4, j'espère qu'ils sont OK. Puisque tout ce qui avait été mis d'office dans le contenu du jeu de base, tous les packs musique achetés sur PSVR sont compatibles avec cette version PSVR 2. Donc c'est très bien, ça me paraît normal, ce qui n'est pas le cas de la progression du coup et de tous les scores, ou alors j'ai loupé pareil. En même temps, si t'as joué qu'en 11 minutes une étape, non, mais j'ai fini la version PS4, j'avais fait tout le mode campagne du début jusqu'à la fin. T'as et des là, preuves du coup, je repars de zéro. T'as des preuves? J'ai des. Sur oui, PS5 oui, bah, il faudrait. Comment ça? Non, sur PS4. Ah, voilà, mais sur PS5. Ah, bah oui, il est fini. Ah, bah non. Là, j'ai commencé un jeu, je vais être obligé de m'engager à le finir, bien sûr. Ah, c'est la version PS2, je suis obligé. Mais, maintenant que tu l'as, maintenant que tu l'as dit, t'as intérêt sinon à jouer. Sinon, je suis qu'une merde. Ça va se retourner contre lui. Et donc, ouais, plus sérieusement, c'est exactement le même jeu. Les menus semblent être pareil. Il n'y a pas vraiment d'amélioration. J'ai pas noté de vibration dans le casque. Il y a les retours haptiques. C'est ce qui ressort, oui. Il y a les retours haptiques sur les manettes, et puis bah, le jeu est, on va dire, légèrement plus fin, plus fluide et plus coloré. Donc le HDR fait bien son effet avec les arrière-plans. Effets de lumière. Voilà, les arrière-plans sont plus shiny, plus beaux. Exactement. En fait, la lumière, tu as toujours des balayages de lumière blanche en fait, qui passent un peu partout. Et les effets, franchement, les effets sont plus perceptibles. C'est plutôt cool. Voilà, donc c'est une mise à jour. 4K native ou pas? Je sais pas. Est-ce que tu as remarqué un flou sur les arrière-plans, de l'aliasing? Non, j'ai pas. Peut-être une bonne chose. J'ai pas remarqué. Bon, heureusement, j'ai envie de te dire. Non, pas forcé, parce que comment il s'appelle, Sense Rider, par exemple, il est un peu flou. Hein. Ouais, mais non, là, j'ai pas noté de. J'ai pas noté de flou. Après, Sense Rider, c'est des arrière-plans qui sont un peu plus réalistes. Beat Saber, pardon, c'est très, genre un fond vert coloré, c'est avec des formes géométriques fixe, qui bougent, quoi. J'ai l'impression qu'il y a plus de particules aussi quand t'exploses les cubes, mais bon, sans conviction, à vérifier. Mmh. Et puis voilà, non. Et plus de Murat, non. Toujours, non, rien du tout. Ah. Tu vois, j'en parle pas, mais c'est marrant parce que tu as dit pas d'aliasing, moins de Murat, et si ça se trouve, il est bien en 4K native, alors. Et peut-être. C'est parce que c'est un jeu Quest au départ. Non, parce que vu les effets qu'il y a, ça m'étonnerait. Non, parce que je le troll, en plus il réfléchit vraiment. Ah non, oui, mais je réfléchis parce que c'est vrai qu'il y a eu des jeux. C'est vrai que le Quest 2, ils ont quasiment un peu, on va dire à peu près la même définition avec le PSVR 2. On va pas chipoter pour 100 pixels. C'est vrai que quand on voit Red Matter 2 par exemple. Où les développeurs nous ont carrément dit clairement qu'en augmentant la taille au-delà de la résolution native du casque, et du coup elle est réduite par le casque, mais elle est envoyée plus grande, du coup c'est un super sampling, et du coup ça a un effet super bénéfique sur l'anti-aliasing, sans mettre de filtre anti-aliasing en fait. Et l'autre chose qu'on remarque, c'est justement que non seulement c'est net, ça vire l'aliasing. Et c'est quoi le truc que tu viens de dire là, que au niveau des FPS, peut-être c'est peut-être super fluide aussi. T'as pas remarqué de décrochage ou? Non, j'ai pas eu de. Bon, après, donc, j'ai joué. C'est peut-être bien une version sympa de Beat Saber. Enfin, j'en ai pas eu parce que c'est un jeu où je regarde devant. J'en ai en fait quand je regarde ma loupiote en haut ou quand je regarde vers le sol. Je cache. Ça, j'avais déjà expliqué. J'ai la lumière qui est au-dessus de la tête en fait. Et du coup, ben, quand je regarde le sol, je cache la lumière. Et quand je regarde en haut, je suis en projection directe. Ce qu'on va faire, on va faire une preview du jeu et on vous dira clairement ce qu'il en est. Voilà. Et est-ce qu'on a les déplacements libres au stick ou pas? Oui, tu peux te déplacer librement sur place avec tes sticks, ouais, exactement. Putain, mais toi, je pensais que c'était un troll aussi, mais en fait, non, tu peux vraiment te déplacer, quoi, d'accord. Non, tu peux pas, mais je t'ai dit, tu peux te déplacer sur place. Non, tu vas dire. D'accord. Mmh. Bah, tu fais un pas à gauche, un pas à droite avec ton stick, tu simules et puis ça marche, quoi. Oui, mais de toute façon, il y a le mode 360, il me semble. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu si. Alors. Je sais pas, sans conviction, il me semblait que le mode 360 n'existait pas sur la version PSVR 1. Est-ce qu'ils l'ont mis sur cette version PSVR 2? Elle n'existait pas du fait du tracking, oui, du PSVR, ouais, 1, puisque tu pouvais pas. Mmh. Est-ce qu'ils l'ont ajouté sur cette version PSVR 2? J'avoue que je n'ai pas vérifié. D'accord, et ben la prochaine fois tu feras ton travail correctement, s'il te plaît, mon petit mec. Je jouerai plus de 11 minutes. Plus de 11 minutes à ton jeu. Merci beaucoup. Mais de rien. Donc voilà, le jeu que tout le monde attendait enfin est sorti sur PSVR 10 minutes sur un jeu qui a 6 ans, impeccable. Et bah c'est pas mal, franchement c'est pas mal. D'autres ont fait bien pire que ça. Ensuite on a eu Crossfire Sierra Squad. On a eu une petite cinématique pendant ce showcase. Donc c'est un jeu multi militariste. Exact. Un jeu très intéressant. Alors on avait, je tourne ma petite feuille. On avait gardé un œil dessus parce qu'on avait été agréablement surpris de par sa technique, parce que il y avait la particule, de la projection, des dégâts, on va dire ciblés sur des objets, etc. Et puis ça semblait Ça semblait plutôt propre avec pas mal d'effets intéressants. Et puis bon, bah, hier, du coup, on a eu une présentation avec un petit peu plus de gameplay, on va dire. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on apprend sur ce Crossfire Sierra Squad qu'on ne connaissait pas? 39 armes au total, avec un rechargement, et tu vas être content, Sei, réaliste. Oh, super. En motion gaming. Génial. Très bonne nouvelle. Et il t'incite d'ailleurs à passer par le stand de tir, donc sera pour t'entraîner forcément. Voilà, exactement, comme dans Pavlov, hein, d'ailleurs, quand tu lances le jeu, t'as le tuto donc pour t'aider, pour justement être capable en fait de recharger, de devoir et de connaître le rechargement de tous les types d'armes différents pour que tu sois plus fluide et plus naturel en in game, parce que ça a l'air d'être un jeu qui met quand même pas mal l'accent sur les squads. Donc il y a plusieurs modes en fait. Donc le mode solo où tu seras chef d'escouade, donc avec une escouade de 4 personnes, je crois, répartie sur 13 missions. Donc en solo, alors on n'a pas la durée moyenne ni globale des missions. Donc si c'est comme Firewall, en général ça durait 3 minutes. Donc j'ose espérer que ça sera plus long. C'est un entraînement quoi. Ça. Mais je le pense parce que c'est un jeu, même sur les autres, enfin on le verra après, qui est quand même axé PVP quoi. Voilà, c'est soit solo, soit coop, mais jamais du moins c'est pas présenté, jamais du joueur contre joueur quoi. Voilà. Ah, c'est du PVE alors. PVE alors. PVP, oui, c'est player versus non, player. Ah oui, PVE, pardon, excusez-moi. Oui, autant pour moi. Donc c'est de la coop. Exactement. Donc 13 ça, missions, donc jouables, je disais à deux, enfin en coop, donc à deux joueurs sur une cinquantaine de missions, pareil, différentes, et jouables à 4, donc toujours en coop, en mode horde, voilà. Okay. Donc ça c'est le genre de choses qu'on apprend. Alors ils parlent pas d'un mode 4 joueurs scénarisé en mission, où justement ça aurait pu être sympa d'avoir un chef d'escouade, de le désigner au hasard, voilà, entre vous, bon ben là c'est toi, on va voir si on peut y arriver ou quoi, et puis un petit peu l'After the Fall quoi. C'est pion, ouais, mais t'as pas vraiment de chef d'escouade, After the Fall c'est t'avances, tu bourrines, et puis basta quoi. Là il y a vraiment, du moins comme ils le décrivent, il y a vraiment un aspect coopération quoi, qui va être important pour progresser. Alors après, est-ce que c'est du bullshit marketing ou est-ce que c'est vraiment ça, on verra quand on aura le jeu, mais en tout cas plutôt prometteur à ce niveau-là. Il précise aussi que c'est un jeu qui est jouable à 360 degrés, donc il va falloir faire de la place. Donc j'espère que ce ne sera pas un jeu qui sera bloqué comme je ne sais plus lequel, ouais, avec la place de 2 mètres sur 2 mètres. The Bat, je ne sais plus le titre. Ouais. What the Bat. Voilà, qui était obligatoirement, enfin, ou qui nécessite une zone de 2 mètres par 2 mètres obligatoire pour y jouer, sinon ben, vous ne pouvez pas. Il y a Pavlov aussi, il me semble, qui nécessite. Non, parce que Pavlov, j'arrive à y jouer, donc pas de problème. Ah ouais, et là, moi, c'est pareil, ce qu'il m'avait dit que j'ai pas les 2 mètres par 2 mètres et. D'accord, et je peux pas jouer, je me suis fait refouler de What the Bat. Voilà, donc c'est dispo en wishlist sur le PS Store. Le PS Store. Et puis ça sort normalement cet été. Voilà. Ok, en plein pendant la canicule, c'est parfait. Exactement, comme d'ailleurs tous les autres jeux quasiment qu'on va voir, tout est annoncé pour cet été. Et nous avons notamment Arizona Sunshine 2. Alors on n'a pas vu grand chose, c'était surtout une cinématique. On n'a pas vu grand chose et on connaît rien. Et on connaît rien, mis à part que c'est la suite de Arizona Sunshine 1. Et que c'est pas du tout du gameplay ou du résultat final. Alors, souvenez-vous, et c'est Lolo qui nous a partagé ça aujourd'hui. Souvenez-vous, donc Arizona Sunshine, c'est Vertigo Game. Vertigo Game, c'est aussi After the Fall dont on parlait tout à l'heure. Et Lolo nous a dégoté, il nous a dit souvenez-vous, After the Fall, le premier trailer que Vertigo avait envoyé, c'était top, c'était du lourd. Et effectivement, c'était exactement la même chose. Ça a déchiré. Sur du CGI magnifique, avec des persos ultra fluides, ultra bien dessinés, de la belle fumée, tous des beaux ombards. Et puis, bon, au réel, dans le gameplay. On a vu que c'était un petit peu différent. Donc on aura au moins, j'espère, la possibilité d'avoir quelque chose d'équivalent à la version PC quand ça sortira. Je pense que ça sortira aussi sur PC. Et vu que la version vu que la version PC sera la même que la version Quest. Oh non, arrête. Ça te ferait trop plaisir. Ils l'ont pas fait sur After the Fall. Ça te ferait plaisir. Ils l'ont pas fait sur After the Fall, mais bon. After the Fall, oui, est différent. Non, alors attention avec After the Fall, parce qu'il y a eu quand même plusieurs phases. Remémorez-vous le lancement de After the Fall. Ah, mais il était sur PSVR. Les contrôles. Sur PSVR. Déjà, il était injouable. Le jeu était dégueulasse. Il était injouable. Les mecs qui l'avaient précommandé pouvaient pas jouer à leur jeu. C'est vrai. Et puis c'est vrai que la première version par rapport à la version PC, elle était bien inférieure à la version PC. La version PC était nickel. Hein. Bon, enfin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne sur After the Fall. Il est quand même vraiment cool aujourd'hui plusieurs. Trop tard. Mais c'est surtout, voilà, attention parce que Vertigo. Pourquoi trop tard Vertigo. Non, mais ça, c'est bête de dire ça, Laurent, parce que. Ça dépend des jeux, mais. Il est encore à jour et il y a en plus des maps supplémentaires qui sortent encore maintenant. Sauf que moi j'ai voulu le lancer parce que j'ai voulu le lancer sur le PSVR 2 et je m'aperçois que graphiquement et compagnie, il n'y a pas une grosse évolution, quoi. Il est toujours moche. Il y a du clipping en moins et tout. On l'a vu sur les maps. On a fait des tests à la loupe quand on l'a relancé le jour avec El Rocco. Il y a des trucs en mieux, ça c'est sûr. On a le pot de fleurs. Le lion. C'est pas un jeu de PSVR 2, ça. Le lion, c'est vrai, la version qu'on a là, c'est la version qu'on aurait dû avoir le jour J sur le PSVR, quoi. Non, mais on est plus sur PSVR là, Laurent, on est sur le PSVR 2. Oui, mais c'est justement. C'est pour ça que je dis qu'il est moche, parce que sur le PSVR 2, j'attends plus ça. Je suis pas sûr quand même, parce qu'avec le nombre de zombards qui est affiché. La gestion des hordes, certainement. La PS4, franchement, les hordes sont fluides. Il y avait de la saccade dans les animations des zombards. Ouais, mais il y a plein de trucs. Tu prends un verre, tu le balances, il se casse pas, tu t'approches des textures. Oui, parce qu'il n'y a pas de physique, mais ça, c'est la même chose. Tu t'en prends jamais des verres, t'as pas le temps de boire un coup, Laurent, dans ce putain de jeu. T'as attaqué de partout. Tu lances des grenades. Le lancement a été chaotique, mais j'ai pas aimé le lancement du truc déjà. Je leur ai dit, putain, ils sont bien foutus de notre gueule. Il faut que tu oublies. Je pense que t'es plus braqué. Moi, je n'oublie pas. En tête, mais que tu passes outre. Je préfère l'attitude de. Comment il s'appelle Vertigo Gale. De Vertigo avec After the Fall que de Switchback. Ah oh oui, c'est du vrai. Ah bah bien sûr. Parce que là, c'est encore pire, et puis on a surtout plus de nouvelles, quoi. Hormis le oui, on va travailler, on vous a entendu maintenant. Je crois qu'on n'aura rien du tout. Bon, apparemment, on a entendu qu'il y avait des soucis avec notre jeu, on va vérifier, on va faire une enquête. Notre bêta-testeur sourd et aveugle nous a pas alerté sur les soucis techniques. Oh, le foutage de gueule en puissance, quoi. Donc, pour revenir à Arizona Sunshine 2, on sait pas grand chose, hormis que on sera accompagné d'un petit chien, d'un chien, qui s'appellera Buddy, et que normalement ça sort aussi cet été, voilà. Ou cette année. Je l'attends beaucoup celui-là parce que j'avais adoré le premier. Alors je l'ai pas fait sur PSVR, je l'ai fait sur PC, et j'aimais beaucoup le ton un peu décalé du jeu. Et la démarche aussi du joueur 2. Alors, j'ai jamais joué en coop. Il marchait comme ça, tu sais, au lieu d'être droit, il était comme ça. Ah, d'accord. Ah, c'est sympa. Voilà. Mais moi, j'ai bien aimé justement le ton décalé, l'humour qu'il y avait dedans, le côté qui se prenait pas vraiment au sérieux, et, avec des bons moments de flip de temps en temps. C'était un mélange qui était quand même plutôt savant, je trouve. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire vraiment un truc? Parce que c'était coop, ça c'était un truc scénarisé, coopératif, c'était couloir. Le premier, c'était du couloir, c'est toujours. Ouais. T'avais quelques allers-retours de temps en temps, mais c'était pas non plus. Est-ce qu'ils vont garder le même principe? Parce que on a quand même The Walking Dead en face, je pense qu'il va forcément être mis. Bon, après, il n'y a pas de coop, mais qui va forcément être mis sur le tapis, au moins au niveau de la réal. Est-ce que tu penses qu'ils vont rester sur le même principe de couloir, ou est-ce que ça va s'étoffer un peu Je suis pas allergique au couloir, comme par exemple dans un Last of Us, où du moment. Enfin, tu avances, c'est tellement bien scénarisé, tellement bien mis en scène, que du coup, en fait, t'as pas l'impression. Arizona Sunshine, rejoue-y, tu vas voir que ça a quand même. Je l'ai fini il y a pas longtemps. Je l'ai fini il y a un an. Arizona Sunshine. Et alors? Je l'avais repris. Je te dis, j'ai vraiment adoré, parce que le côté décalé un petit peu. Voilà. Old school, hein. Vraiment old school. Hein. Mais, Là, ça vieillit. Mais tu vois. C'est ce que je te dis. Tu veux capable de rejouer à Half-Life 2 en VR et de prendre mon pied tout pareil, alors que pareil, ça a vieilli de fou. Hein. Ça a 20 ans. Plus de 20 ans. À ce sujet, il communique quand même, donc le PR manager de Vertigo Games qui a publié un truc sur PlayStation Blog, il précise quand même que c'est vraiment Arizona Sunshine 2, ce sera vraiment une version next-gen. Il le précise deux fois. donc ça sera. Ils s'y attendent. Ouais, ce sera au niveau d'After the Fall, quoi. Et ben disons que next gen, ça veut dire qu'on va peut-être avoir un jeu Quest 3, quoi. Donc c'est peut-être pas mal. Putain, mais quel troll celui-là, c'est pas possible. Ça... Il arrête pas. Cherche. J'ai bien rigolé là. Il est horrible. Mais t'as pas honte, en il plus. Est heureux. Il est heureux. Oh, putain, mais on peut pas rire avec. Donc, donc voilà, mais écoute, Arizona. Tu Sunshine sais que des gens 2... peuvent se sentir offusqués par tes propos, Laurent. Attention. Ah, oh, mais si nous connaissent, ils savent quoi. Oh, on s'en fout en fait. Hein. C'est pas grave. Hein. Et ça se trouve, il sera génial. Regardez ce que regardez comme j'ai été méchant sur Sense and Sinner 2, et quand il est sorti, comme j'ai été gentil. Et c'est aussi sur un autre c'est jeu dont on va parler tout à l'heure. Tu vas parler du test tout à l'heure d'un autre jeu aussi, ouais. Qui t'a mis une petite tartouille alors ouais. qu'au départ c'était pareil. Et que j'avais été très méchant. Donc tant que le jeu je l'ai pas dans les mains, si ça se trouve, je vais dire putain, ouais, il est trop classe quoi. Et puis ouais. ça va le faire. Hein. Mais là, on a bien le droit de dire des méchancetés parce qu'ils nous ont pris pour des cons deux trois fois quand même. Ça n'empêche pas de dire du mal sans savoir. Ça n'engage que nous. Hein. Exactement. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas, c'est pareil. Voilà. Mais bon, tu te prives quand même d'un plaisir certain quand même en coop. Oui, de quel jeu? After the Fall. After the Fall. Ah, elle recommence, mais c'est peine perdue, alors c'est bien. After the Fall, moi, sur PSVR, je l'ai lancé 2-3 fois. Non, mais je suis sûr que tu as joué tout seul avec des bots, en plus. Donc non, mais même pas. Avec Jimmy. Je les avais là. Et du coup, quand je l'ai démarré, je dis, tiens, on va essayer ce putain de jeu de merde. Et puis, ah bah oui, puis après, je l'avais toujours là. Pas d'a priori, hein. Esprit ouvert. Quand même, ils sont bien foutus de la gueule des joueurs le premier jour quand ils l'ont lancé. Ah bah oui, mais clairement. Il changera pas. Prouvé, le test, il a. C'est, voilà, après, je l'ai relancé en version PSVR2 parce que c'est vrai que la définition est meilleure. Et tu t'es dit, je vais pas l'aimer quand même. Voilà. Et puis non, je me suis dit, c'est pas un jeu PSVR2 quoi. C'est un jeu PSVR. Imagine si les gens avaient raisonné comme toi pour No Man's Sky. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et surtout que No Man's Sky ou Witcher 3. Tout à l'heure, j'ai dit Witcher 3. Je l'ai adoré ce jeu, mais c'est vrai que quand il est sorti, c'était une vraie cata quoi. Il y avait que des merdes. Mais j'ai quand même adoré. Mais là, je sais pas. Je trouve qu'il est pas dans. Il fait pas jeu PSVR2 quoi, il fait jeu PSVR. Il est quand même marrant. Plaqué sur un PSVR. Il est quand même marrant. Et... Oui, mais bon, c'est une adaptation. Enfin, si tu vas par là, Puzzling Place fait pas jeu PSVR2, enfin et tout un tas de remasters qu'on a eu de jeux PSVR font pas jeu PSVR2 non plus. C'est un jeu de la gêne d'avant et on a la chance d'avoir la version PC. C'est toutes ces adaptations qui arrivent sur le PSVR2, il y a 85% qui sont très mal optimisées. Et qui comme par exemple un jeu comme Saints Row, non pas même pas Saints, Pistol Whip que je trouve génial, j'adore ce jeu, et ben tu le lances, j'adorais sur le PSVR, j'ai passé des heures dessus, sur le PSVR2 j'ai super avancé, j'ai d'ailleurs fait tous les tableaux, et j'ai toujours ce regret de pas avoir un Pistol Whip qui soit méga super net, pas quand tu vois un Red Matter 2 par exemple. Tu te dis, putain, celui-là, je l'attendais. Je disais, putain, celui-là, il va être beau, il va être net. Et j'étais déçu parce qu'il était flou, il aliase. Je dis, mais merde, quoi. Et c'est pareil pour quand j'ai lancé After the Fall. Mais quand j'ai lancé 80% des jeux du PSVR 2, il y en a plein qui ne sont pas dans la bonne définition. Et qui ne sont pas nets. On a plus de chances de jouer avec Steph qu'avec Laurent, hein, j'ai l'impression. Ouais, mais il y en a plein qui le sont. Mais il y en a plein qui sont dans la bonne def. Hein, pardon, et il y en a plein qui passent bien. Non mais on va parler justement de ce côté technique un petit peu de l'échelle de résolution augmentée sur certains jeux parce que ça va être au cœur justement d'un test que tu vas faire tout à l'heure Laurent. Mais avant ça on va parler, bon du coup pour Arizona Sunshine je pense que 2. On est bon, le trailer donne le ton en tout cas, je pense que ça va être dans la même lignée que le premier et donc ça sera très bon. On a enfin des nouvelles du mode VR de Resident Evil 4. Ou Resident Evil 4. Ouais. Un sacré mode. Alors des nouvelles, bon on en a. Alors on a surtout du gameplay, puisque ce qu'on n'avait pas eu, puisque ça avait été présenté, je me rappelle plus, il y a un an. Ah, mais je comprends pas. Moi je vous en ai fait du gameplay sur Resident 4 en VR. Pourtant c'est pas pareil, c'est bizarre. Ouais, mais c'était. Ouais, mais ça c'était le développeur Predog, non? C'est pas ça? Ouais, c'est Predog. Ouais. Ça c'est une autre société de développement du coup indépendante. D'accord. Non, là c'est la version de Capcom, la version officielle. Je vais réitérer, donc on a vu du gameplay du jeu, donc de ce Resident Evil 4, qui n'est encore pas officiellement dit que c'est le jeu complet, mais dans ce qu'on retrouve, voilà, ce qu'on a vu, c'est le jeu bah, de base traditionnel. C'est toute la démo. De ce qui en est amené. Exactement, c'est la démo. Ouais. Bon, ben voilà. Alors, je l'ai jamais fait ce jeu, donc vous saurez certainement plus compléter l'info que moi. De l'intro. Que vous voyez dedans. Enfin, de juste après l'intro, la cinématique d'intro, jusqu'au village. Ouais. Voilà, c'est l'intro. Enfin, c'est la démo. Donc, cloches sonnent. S'ils ont mis toute la démo en VR, ça veut dire que le jeu sera complet en VR. Alors, je persiste. Mmh. J'ai du mal quand même avec l'exclu RE4 VR Meta et que Capcom ait réussi à sortir ça derrière. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une version qui est sublimée, optimisée ou quoi? J'aurais vraiment pas misé un billet là-dessus et me dire que, je sais pas, ça fait quoi, un an, deux ans qu'il est sorti RE4 sur Quest 2? Mais ce n'était pas la, c'était pas la même version aussi. Non, c'est la version originale. C'est la version originale. C'est la version VR du remake, on est d'accord. C'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il ne distingue pas du coup? Ça reste le même jeu, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Resident Evil 4. Ah non, en VR. Ouais, sauf que le remake a absolument rien à voir dans sa progression et dans le gameplay que. Que Resident 4 original. Oui, mais bon, c'est des choses en plus. Moi, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où quand tu regardes les contrats qu'il y a eu signés entre Sony et Capcom, par exemple sur Resident Evil 8, le contrat il a fuité, donc on l'a vu. D'ailleurs, on l'a mis en ligne sur le site où c'est bien stipulé qu'en fait Sony et Capcom signent un contrat d'exclusivité pour Resident Evil 8 et toutes les versions déclinables, y compris des versions sur téléphone mobile, des versions en VR. Donc c'est ça qui m'étonnait, c'est que ce contrat parle de la licence Resident Evil 8, alors que là, certainement que Meta ont dû signer une licence sur Resident Evil 4. Ouais, mais la version originale, du coup. De la version, ouais, et que Sony ont signé aussi une licence de Resident Evil 4, ou alors peut-être que Meta et Sony sont ensemble et ils se sont dit, bah, écoute, je te lâche ça, je dis rien pour ça si tu fais venir ça sur mon casque. Il y a peut-être des arrangements aussi, hein, je sais pas. Je sais pas. En gros, donc si tu veux, Resident 4, le remake, est à Resident Evil 4 original, ce que Resident Evil 2, le remake, est à Resident Evil 2, l'original. Tu vois, il y a vraiment. Il a été amputé de certains passages aussi. Non, il a été changé. C'est pour ça que j'ai bien dit le 2 et pas le 3. C'est le 3 qui a été amputé du Beffroi. Ouais. Mais le 2, par contre, avait carrément des zones supplémentaires, des petits éléments scénaristiques, un développement scénaristique supplémentaire. Ouais, exactement. Des zones mises avant, après, dans le remake. Ouais. C'est pas la carte copier-coller du jeu original qui est remis dans le. C'est un remake. Dans le remake. Okay. Et pour le 4, c'est exactement pareil aussi. Alors que dans le 4, le scénario était complètement con comme un dimanche sous la flotte, et bah là justement t'as des petites précisions de scénario. Non, il est vraiment très très très très très bon, alors que j'aime pas Resident Evil 4, enfin c'est vraiment pas du tout mon Resident préféré, le 4 original. Le remake, lui par contre, ouais, il envoie vraiment du steak, hein. L'avoir intégralement en VR, même en FPS, ça va le faire, sachant qu'en plus ils ont changé, en plus ils ont adapté le jeu en VR avec le motion gaming. Justement. C'est ce que j'allais dire. Donc du coup, différence de cette version VR par rapport à la version d'origine, mais forcément pas de troisième personne, ils l'ont adapté à la première personne. Et donc on peut avoir, si j'ai bien compris, une arme par main. Ouais. Et tu peux esquiver. Ouais. Donc aussi, enfin esquiver, tu peux. Et tu peux contrer, pareil, exactement. Contrer. Alors on a vu d'ailleurs on l'a dit très cohérent, mais bon. En même temps, l'univers du jeu lui-même n'est pas cohérent. Tu peux contrer avec ton petit couteau de chasse de Rambo, la lame de la tronçonneuse. Je ne sais pas quel ennemi, voilà. Et pas de problème. D'ailleurs, je vais essayer. Autant ça fait un peu d'étincelle, plat, par contre, attention, mettez les lunettes. Autant en plat, il n'y a pas de souci, je pourrais le contrer, tu vois, avec le petit couteau. En VR, ça ne va pas être la même chose. En VR, la sensation va être différente, hein, de contrer. Non, effectivement. Alors, après, on connaît. Hein, je veux dire, on a eu Resident Evil 7, on a eu Resident Evil 8. On passe sur le 4. Ouais. On sait que c'est ultra efficace. Donc, ça va vachement enrichir l'immersion. On va tuer la batterie du Sense en moins de 20. Si ça vibre de partout. En un coup de tronçonneuse. donc voilà. Et puis, on n'a pas de date de sortie, mais ils nous disent de rester à l'écoute. En développement. Pour la date prochainement, voilà. Moi, je pense franchement que, effectivement, j'avais pas fait le lien et le reco que c'était vraiment la même zone que la démo du jeu plat. Je sens bien justement une démo de la version VR à arriver dans pas trop longtemps, tu vois. Et de la même zone. De la même zone. Ils avaient fait la démo d'R8, sinon. Ils ont fait la démo. Et justement, ils sont bien dans les démos. La démo de R7 aussi. Ils ont même fait des démos, la démo de R7 qui était en plus différente du jeu final dans son cheminement. Et je verrais bien une démo justement de ce Resident 4. Et à mon avis, quand tu vas commencer à goûter à Resident 4 avec la beauté du jeu en VR, forcément tu vas passer à la caisse. À mon avis, ça serait un bon move de la part de Capcom de faire ça. Bah là, ça va revendre. Et d'ailleurs, merci Capcom, hein, parce que. Ils sont là. Alors, il y en a beaucoup sur la toile qui ont dit. D'ailleurs, c'était en VR, c'était un showcase Capcom, parce qu'ils ont dit, oui, mis à part Capcom, il y avait rien d'autre. Bah, oui, mais c'est pas moi là, c'est Internet. Bah, Square Enix, c'est des Japonais, c'est pareil. Disons que moi, ce que je trouve, ce qui me fait marrer, et j'aimerais bien savoir la vérité sur le truc qu'on saura jamais, bien sûr. Mais c'est quand Capcom ont fait leur showcase justement en présentant pour la première fois ce remake de Resident Evil 4. À la fin du remake, il y avait un visuel qui indiquait que bientôt il y aurait du contenu VR sur Resident Evil 4 qui arrivera pour le PlayStation VR 2. Et le lendemain, PlayStation a bien sûr partagé ce trailer de Resident Evil 4 sur sa chaîne officielle. Seulement, ce trailer, il avait toute la même chose que le showcase de Capcom, sauf qu'ils ont retiré l'annonce sur PSVR 2. Et dans l'article qu'ils avaient sorti le lendemain, ils ne parlaient pas du tout de ce mode VR. Donc en fait, on savait tous que Resident Evil 4 allait arriver parce que Capcom l'avait officialisé, donc c'était une évidence. On ne savait pas si ça allait être le jeu complet. Donc là, on n'était pas sûr. Mais Sony, jusqu'à présent, en fait, la première fois qu'il en a parlé, c'est dans le rapport de Jim Ryan que j'ai parlé tout à l'heure sur les 600 000 exemplaires. C'est la première fois qu'on a une photo de Resident Evil 4 dans ce rapport. Et bien sûr, dans le showcase le lendemain, c'est tombé. Mais est-ce que Capcom n'aurait pas fait une bourde en balançant un truc que Sony n'était pas au courant et ils ont fait la même chose avec Metal Gear Solid Delta. Voilà. Et que du coup, il soit dit, bah mince. Imaginez, alors, c'est là où je voulais en venir. Imaginez que hier soir dans le showcase, on n'aurait pas été au courant que Resident Evil 4 arrivait. On se serait pris ça hier dans les dents et on aurait été largement plus hypé qu'on l'est aujourd'hui parce qu'on le savait déjà. Avec des scies, on coupe du bois. Dans le grand public. Mais moi j'ai quand même été hypé. Dites-moi si on le savait pas que Resident Evil 4 était quand même bien. Moi je te dis, ils ont fait. Fait une belle surprise dans le showcase quoi. Non, mais moi je te dis, ils ont fait pareil avec MGS3 où le bundle, pendant le showcase, donc t'as le trailer de MGS Delta et de suite après t'avais un espèce de bundle, le 1, le 2, le 3. Oui, il est passé en une seconde. Et en fait, si tu vas sur la chaîne PlayStation que tu reprends le même trailer, tu n'as plus ce truc. Ouais. À la fin de la vidéo, et je crois qu'ils n'en font pas mention non plus sur le PS Blog. Ouais, donc tu vois, c'est pas des trucs qu'ils voulaient pas forcément annoncer tout de suite. C'est bizarre. Ouais, mais là, c'est Sony qui l'ont mis. Oui, donc, c'était dans le showcase. Oui, voilà. C'est bizarre. Ouais, je peux pas croire que les mecs ils regardent pas les trailers. Ouais, quand même. Des trucs, enfin, tu vois. Oh non, on avait pas vu. Oh là là. Incroyable. Bonne pioche. Ce R4, mais. Mais la surprise, elle est là quand même. On savait pas qu'est-ce qu'on allait avoir. Et là, on a un mode FPS, c'est une grosse surprise quand même. Enfin, on en a parlé avant le live, justement. Moi, je t'avais dit, j'espère que ça sera juste pas le petit mode qu'il y a dans le jeu, dans le remake, là, où tu tires sur des pirates en bois, tu vois. Ils auraient pu faire ça, c'est un truc un petit peu comme sortant RE8, ils peuvent pas faire ça. Mais moi je te dis, la seule inquiétude que j'avais, c'était vraiment les accords de licence qu'il y avait par rapport à Meta et la version Quest 2. Après, étant donné que peut-être ils ont joué sur les mots, étant donné que c'est pas la même version, que c'est le remake et pas la version originale, ils ont dû la vendre comme ça. C'est sûr. Et c'est la version VR du remake, donc du coup, l'exclu, elle est pas. C'est pas le même jeu, finalement. C'est pas le même jeu. C'est plus le même jeu. Au niveau du code, ils jouent avec les mots et les contrats. C'est moche. Tant mieux pour les joueurs, comme ça au moins sur Quest 2 tu peux profiter de l'original en VR, sur PS5 tu peux profiter de la version remake en VR et tout le monde est content et c'est très bien comme ça. Alors petite déception, c'est qu'on n'a pas de nouvelles d'un éventuel portage de Resident Evil 7 sur le PSVR 2 et je sais que je suis pas le seul à l'attendre, donc on va faire une Xbox, hein. Si vous voulez jouer à Resident Evil 7, achetez un PSVR et une PS4. Voilà, faites pas chier. Et puis c'est tout. 2013, c'était ça? C'est en 2013 qu'il avait sorti ça. Ouais, je sais. Jean, tu t'en rappelles pas. T'as tatoué la date sur ton avant-bras, Laurent, je te rappelle. j'ai toutes les dates. Avec une lame de rasoir. Toutes les dates. Oui. Vous voulez savoir quand Phil Spencer a annoncé que la Xbox One serait compatible avec le... Attends, je l'ai marqué là. Attends, je l'ai marqué sur mon mollet. On te connaît. Ensuite, on a un jeu qui est déjà sorti, en tout cas dans une version précédente, sur PSVR 1, notamment, et aussi sur PC, je crois. C'est Five Nights at the Freddy's. Un jeu qui fleure bon l'ambiance bucolique. Le flip. Attends, c'est Five Nights Freddy's Wanted. Je sais plus deux. Quoi. Help Wanted 2. Il est sorti le 2 ? Non, le 1 est sorti. C'est le 1 qui est sorti. Sur PSVR. Le 2, en fait, là, c'est la suite. Le 2 est tout nouveau. Alors, on n'a pas grand chose. Hein. On a une ouverture d'une espèce d'ascenseur chelou, là, avec un jumpscare. Voilà, c'est la suite du 1. Est-ce qu'il y en a qui ont joué au premier déjà ici ? Le premier est super oui. flippant. Hein. Oui. Je me suis pissé dessus. Très efficace. Ouais, d'accord. Très efficace. Ah, le truc où tu ouvres la porte, le gros sas qui s'ouvre en une seconde et que tu as le gros automate là qui te regarde avec sa tête de psychopathe et que c'est, des... bah, c'est terminé quoi. Tu peux plus. Ah, il est mignon lui. Et puis en fait, ils font bien flipper. C'est il y a un tout petit temps mort et après, il claque le screamer. Quoi. Alors quand tu te le prends les premières en vrai fois, c'est très efficace. Ah oui, là tu te le prends en vrai. Mais après, tu dis, oh purée, je suis baisé, vas-y, bouffe-moi. Là. Mais bon, voilà, ça t'impressionne plus, mais il y a toujours des petits passages marrants où, quand tu fermes la porte et que tu allumes la lumière qui est voilà, sur le côté droit, t'as l'automate qui te regarde comme ça, tu le vois d'un seul coup, qui te regarde avec sa tête de psychopathe contre la vitre. C'est ultra stressant. Très efficace. Tu vas tourner sa tête à la poupée Chucky. Ou... Et puis celui qui courait aussi, hein. Ah, il te mettait grave la pression. Lui, il bougeait pas, tu devais le surveiller régulièrement. C'était un genre de renard chelou. Et juste, t'avais quoi, une fraction de seconde pour réagir et fermer le sas. Tu l'entendais courir progressivement. Tac, tac, tac, tac, tac. Mais hyper stressant. Le jeu, il te mettait vraiment ce stress permanent. Surtout que l'énergie, ben, ça filait, quoi, parce que t'es limité en énergie. Tu démarres à 100%. Et puis toutes les caméras, les sas, tout ça, ça consomme de l'énergie. Et il faut tenir, il faut jouer la montre. Donc, mais celui-là, je crois qu'il est. T'es pas enfermé, en fait. T'es beaucoup plus libre dans tes mouvements. Il me semble. D'accord. Parce qu'il me semble qu'il y en avait un, justement, Five Nights at Freddy's, qui était sorti, qui avait changé un petit peu la formule, qui était un peu plus cartoon. Je m'y suis pas vraiment intéressé, j'avoue, mais qui était sorti en plat. Hein. Celui sur Switch Ouais, il me semble. Qui est sorti sur Switch aussi. Sûr de rien, mais il me semble justement que la formule a été un petit peu modifiée parce que Five Nights at Freddy's, c'est quand même une vieille licence maintenant. Oh oui. Qui avait commencé avec des écrans fixes et tout. C'était un jeu moche, pixelisé, pas dans l'air du temps et qui s'est révélé être. Oui, mais à l'époque, il était pas si moche. Ah, si, il était moche. Même à l'époque, à l'époque, il était très moche. Mais ils ont réussi à développer un lore. Cherche pas une ouverture, cherche pas. Eh ben ils ont ouvert un nouveau public. Mais je veux dire, il y avait un lore qui s'est développé au fur et à mesure. Et je pense justement de Five Nights at Freddy's Wanted 2, je pense que justement ils vont surfer peut-être sur ce côté un peu plus cartoon, quoi, peut-être. Je sais pas. La bestiole qu'on voit dans le trailer, ouais, elle est pas fofolle, hein, mais bon, à voir. Bah, ils disent que c'est dans la continuité de façon du premier Help Wanted, donc qui était l'expérience, enfin le jeu du moins. Sur PSVR, que vraisemblablement ça sera plus ou moins les mêmes mécaniques, mais qui profiteront forcément des améliorations et de toutes les nouveautés qu'apporte le casque, notamment les retours haptiques. Ouais, les retours dans le casque qui serviront à sentir les pas des ennemis qui approchent. Voilà. Un pur plaisir, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, on sait pas grand chose pour le moment, on a une toute petite partie de trailer. Pas de date de sortie, pas de fenêtre, rien de bien précis hormis ce trailer, voilà. On sait que ça vient. D'annonce. On sait que ça vient. Et enfin, alors pendant le live, on s'est quand même demandé au départ ce que c'était que ce jeu-là. J'avoue. Agréablement surpris. Ce qui est bon signe d'ailleurs. Ouais, dans le bon sens du terme, c'est Synapse. On s'est demandé si c'était pas une map de Hitman 3 qu'on aurait pas reconnue. Exactement. C'est la voix. La plage, ouais, avec la. C'est la voix. La mince, là, qu'on appelle ça la maison de luxe, là. Au bord de la plage. Et donc ouais, ça démarre là-dessus. Alors Synapse, donc c'est le nouveau jeu de Endreams. Endreams, c'est Phantom Cover Ops et Fract. On en avait déjà parlé, on avait été plutôt surpris par ce qu'on avait vu, puisque c'était plutôt dynamique et un peu différent. Alors dynamique, c'était un peu aussi l'esprit de Fract, peut-être un peu moins Phantom Cover Ops, mais j'y ai pas joué, donc je vais pas m'avancer. Mais voilà, donc ils sont restés sur quelque chose de d'assez fun à jouer. Donc il nous explique que voilà, c'est ils reviennent avec pour objectif, enfin ils sont très contents de l'accueil qui avait été donné sur Fract et du coup du gameplay qu'ils avaient apporté. Donc ils ont essayé de rester un peu dans ce même esprit en développant un peu plus le gameplay. Ou rappelez-vous, donc dans Fract, il y avait la main gauche qui servait à s'agripper en fait et la main droite pour tirer. Et cette main gauche ou droite, en fonction bien sûr de quoi vous jouez, était une espèce de super palliatif en fait au manque de joystick du Move, DPS Move pardon, où tu pouvais agripper en fait n'importe quoi et tu pouvais te déplacer en gros en agrippant, enfin monter. Quand t'étais à couvert. Quand t'étais à couvert. Quand t'étais à couvert, exactement. Ça fonctionnait super bien. Et ça fonctionnait super bien. C'était relativement fluide. Donc ils ont voulu continuer l'expérience là-dedans. Et en fait, ce qu'ils ont rajouté, ils sont restés sur ce principe de main dissociée. Et ce qu'ils ont rajouté, donc c'est la main droite, donc visiblement qui servira pour utiliser les armes, on va dire classiques. Et la main gauche donc qui possède un pouvoir télékinésique, donc encore une fois sur lequel ils ont beaucoup travaillé selon eux, de manière à ce que ça soit le plus fluide et le plus naturel possible, voilà, qu'on puisse faire des mouvements. Alors est-ce que ça, c'est pas précisé, mais est-ce que en fonction de comment on pressera le VRSense en fait au creux de la main avec la position des doigts et tout ça, est-ce qu'ils vont nous faire des pouvoirs différents en fonction de ce genre d'action qu'on peut faire avec la main gauche, je sais pas, mais en tout cas ils ont dit que ils avaient profité du coup de l'ajout de joystick pour pouvoir développer cette partie main gauche main droite de manière un peu plus étoffée. Après c'est pareil, hein, on n'en sait pas grand chose. Moi j'ai remarqué j'ai remarqué un tout petit truc, Majo, excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Dans le gameplay, c'est-à-dire que Fract, on se souvient pour ceux qui ont joué, l'action, comme beaucoup de FPS en VR, se passait en général à 180 degrés en face de toi. C'est très très rare, sauf sur certains jeux comme After the Fall justement, ou des jeux vraiment coop, que les ennemis arrivent derrière toi ou sur les côtés. Et là, j'ai l'impression justement dans Synapse qu'ils ont rajouté un petit peu ça à un moment, vraiment clairement dans la vidéo. Tu vois que le joueur est en train de se focaliser devant et que le danger arrive derrière quoi. Et lui saute à la gueule. Et ça, j'ai bien aimé justement. C'était un peu le cas dans Fract aussi. Vers la fin, ouais, ça arrivait de tous les côtés. À la fin, t'avais des zones. Alors en fait, t'avais des zones, effectivement. En fait, quand t'avais les ennemis, ils arrivaient toujours du même côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'étais tourné, en gros, et tu les avais en face, c'était terminé. Mais par contre, tu pouvais quand même être surpris par des ennemis qui arrivaient derrière. Mais toujours pareil, une fois que tu t'es tourné et que tu as vu d'où ils arrivent, tu n'en as plus d'autres qui arrivent derrière. Enfin, voilà. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais de toute façon, on n'est plus limité sur le PSVR 2 par le tracking à 180 degrés de la caméra en frontal, hein, puisque maintenant, ni la rotation. Il s'est modernisé. Il y a des caméras partout, donc forcément, le tracking est lui aussi à 360 degrés. Donc, ça me paraît un peu normal que de plus en plus de jeux s'appuient là-dessus, quoi. Mais toujours pareil, un peu comme Sierra Squad, comme Crossfire. Est-ce que ce sera un jeu qui lui aussi nécessitera les 2 mètres par 2 mètres? Si jamais, t'as un stick gauche un peu plus ample et tout ça. T'as un stick gauche. Ah oui, pour la rotation. Bah ouais. Ouais, justement. Et à mon avis, enfin, c'est quelque chose qui était faisable avec les boutons sur les PS Move. Mais c'est vrai que maintenant, en tout cas, t'as moyen quand même d'avoir des gameplays bien plus dynamiques, grâce au stick aussi. Hein. Parce que moi, je compte pas plus que ça jouer debout, plus qu'avant, sur ce type de jeu-là. Je reste un joueur de canapé, donc... Oui, on peut penser que c'est dommage, hein, mais bon... Habitude de joueur. Non, enfin, je pense pas que c'est... Je suis toujours partisan du qui peut le plus, peut le moins, donc bon... Enfin, là, ça a l'air relativement dynamique, ouais. Et puis ils insistent encore une fois sur le fait qu'ils ont voulu... on va dire laisser, enfin comme d'habitude, c'est laisser au joueur le choix de comment tu veux jouer, de la meilleure manière d'adapter ton gameplay, etc., etc. Donc, j'espère qu'ils feront le nécessaire pour que ceux qui veulent pas être trop dynamiques dans le Phantom Cover, si je puisse y arriver quoi. Phantom Cover. Je pense que il y a pas de souci à se faire, hein, à ce niveau-là, parce que Phantom Cover Ops, ça se joue assis. Fract, je crois qu'il y avait, il me semble. T'avais un mode assis. Oui, je comprends. T'avais un mode assis. Donc en termes de tout ce qui est option de confort, et puis voilà, adaptivité. Pour éviter la cinétose et tout, ils vont mettre le starter pack du vomito quoi. C'est du motion gaming, mais gentil, là tu vois, je je continue de relire le truc. Il parle du système de rechargement, en fait, où tu vas recharger ton arme en la tapant contre n'importe quelle surface. Donc ça peut être le dos de ta main, ça peut être ton corps, ça peut être un ennemi que tu as fait venir vers toi, que tu mets une claque dans la tête avec ton arme pour recharger. Enfin voilà. Ton enfant. Il y a une espèce de côté aussi fun et nerveux. Qu'ils ont voulu garder et qui faisait un peu l'essence et le succès de Fract. Ah bah ça pète de tous les côtés. Et, voilà. Et en plus, niveau scénario, je sais pas si t'as vu un peu, ça a l'air d'être pas mal dans l'idée. C'est un petit peu de l'inception en fait. C'est comme le final. Tu vas rentrer dans le cerveau d'un gars. Ouais. Quoi, que tu vois tu rentres dans le cerveau d'un gars et puis tous les ennemis, ouais, ça a l'air d'être. Je sais pas, ses défenses, c'est son côté psychopathe. Donc c'est Psychonaut. Intéressant. Ouais. C'est un peu petit côté Psychonaut, ouais. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Et puis la DA, elle est extraordinaire. J'ai peur du noir et blanc quand même. C'est pas vraiment trop de noir et blanc. Choqué, au contraire. Alors, ça va être du noir et blanc avec de la couleur. Avec de la couleur. Tu vas alimenter les détracteurs. Ça justifiera le Murat ou ça fera un peu un grain cinéma à l'ancienne. Exactement. En fait, c'est fait exprès. Voilà. Là, ils ont intérêt à assurer là pour le Murat, ouais. Donc voilà, et puis bon, bien entendu, ils parlent de la nouvelle génération, comme ils ont travaillé sur le PSVR 1, ils parlent de la nouvelle génération, donc du PSVR 2, en disant que on a du matériel qui est au top pour pouvoir faire des choses extraordinaires et nouvelles. Voilà. Ils parlent d'un énorme bond en avant. Voilà, ok. En tout cas, si vous avez l'habitude de nous suivre, vous avez vu que même dès la première présentation du premier trailer de Synapse, on a été quand même plutôt emballé par ce jeu-là. Là, ça a juste fait qu'enfoncer le clou, donc on est plutôt très curieux, en tout cas, moi, personnellement. Et ça sort cette année. Et ça sort demain, cette année aussi. Oui, et puis ça sort le 4 juillet même. Très bien ça. Ouais, 4 juillet 2023 et je suis super intrigué par ce demain-là, la main gauche. De mémoire ouais. De mémoire, Fract était sorti l'été aussi. Alors que ça se passait sous la neige. C'est très bizarre. Exactement. Ok. Bon, globalement, il y a eu d'autres choses aussi qui ont été annoncées sur PS5, donc en version plate. Certains qui nous ont hypés, d'autres qui nous ont laissé un peu de marbre. On vous laisse regarder dans les détails en tout cas ce qu'on en a pensé sur le live que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube. Alan Wake 2 quoi. Alan Wake 2 ? Alan Wake 2, voilà. Tout simplement. Voilà. Mimol direct. Et puis, alors, est-ce qu'on peut parler, puisqu'on parle de jeux classiques, est-ce qu'on peut parler de Spider-Man 2 ? Ouais, si tu veux. Moi j'en parlerai pas parce que ça m'intéresse pas. Juste techniquement, après le reste on n'y a pas joué, mais est-ce que vous avez maté le trailer en 4K déjà ? Non. Déjà je trouve que la présentation était beaucoup trop longue sur le live. Ouais, alors on peut pas. On peut pas discuter avec vous les gars. Non, mais moi ça ne m'intéresse pas. Désolé d'avoir espéré. Alors, Majo, avec ma connexion, je ne peux pas regarder de la 4K. Ah oui, c'est vrai. tu le télécharges et tu le regardes après. Tu es cruel, Majo. Mais c'est vrai que, à mon avis, il n'est pas fini le jeu parce que je trouvais qu'il était en dessous des autres Spider-Man, moi, visuellement, notamment au niveau de l'eau, du rendu de l'eau. Voilà, alors c'est pour ça que j'insistais sur est-ce que vous l'avez regardé en 4K. Alors, effectivement, tu vois quand même, c'est relativement propre, il n'y a quasi pas de clipping, surtout quand Morales se déplace là dans les airs. C'est ultra dynamique. Après, effectivement, il y a quelques reflets un peu particuliers, l'eau qui est propre. On va dire à partir du moment où il n'y a pas de bateau qui passe. Mais après, dès qu'il y a de l'éclaboussure ou ce genre de truc, quoi, on a perdu une génération. Quoi. Voilà. Mais sinon, je le trouve joli, mais je trouve qu'il est différent des deux premiers que je trouvais plus réaliste en fait dans le. Moi aussi, je les ai trouvés plus. Dans la technique, là, je les trouve un peu plus cartoonesque. Pas terminé. Spider-Man 2. Non, mais ça va être fun, ça va être dynamique, il va cartonner, c'est sûr. Oh, il va cartonner. Tu retournes dedans et franchement il est bien, hein. c'est un bon petit défouloir et puis c'est un des rares jeux Spider-Man où vraiment t'as l'impression d'être Spider-Man mais tout de suite quoi. Il y en avait que un ou deux qui étaient sur PlayStation 2 ou 3, je sais plus, un Ultimate et puis un aussi qui était PS2 je crois. Et un en cel shading. Celui où tu t'accrochais au nuage. T'as envoyé tes toiles en fait dans le ciel et il n'y avait rien. Si tu veux, tu volais. Ah, peut-être. Ah oui, c'est possible. Mais franchement, il y en avait un aussi où tu contrôlais tous les autres. Enfin, certains Spider-Man, comme le Spider-Man noir que tu vois dans, PS3, dans le film. PS3. Ouais, tu vois lequel. Quoi, Venom ou Miles Morales? Non. C'était, non, c'était un autre noir, complètement C'est un personnage de film noir. De film. Est-ce que t'as vu le dernier film? Oui, je me rappelle. Into the Verse. Dick Tracy, Spider-Man, un peu. Voilà, c'est ça. Tu le vois dans le film, le dessin animé animation de Sony. Il est super dark, il a toujours des idées. Ouais, il est bizarre. Il est bizarre celui-là. Ouais, je l'aime puis, bien. Et ça, c'était des bons Spider-Man. Il n'y en a pas des masses, hein. Les autres, c'était des bouses, mais bon, c'était comme Spider-Man. Celui-là, tu retournes dedans, et puis ça envoie beaucoup plus. Je sais que ça, je risque. Non, je me le prendrai, ça, c'est sûr et certain. De craquer aussi. Bon, de toute façon, on va pas revenir sur tous les jeux qui ont été présentés en parce qu'il y en a beaucoup. On parlait juste des plus attendus. Enfin, moi, j'ai bien aimé Miles Morales, donc du coup, peut-être je me laisserai tenter. J'ai toujours dit que je ferais peut-être le premier pareil, jour aussi. C'est possible. Mimol, ouais. Et Starship Trooper aussi, pourquoi pas. Ah ouais, il y a une espèce de Starship Trooper, je ne sais plus comment il s'appelle. Mm. Parce que ça, on n'a pas préparé les jeux plats. Mais c'est pas en VR, exactement. Donc bon. Ouais. Mm. Beaucoup de jeux à service aussi. Game as service. Surtout au début. Aven Studio ils avaient prévenu. Ouais. Mais surtout au début, j'ai l'impression vraiment FPS coop coloré. Alors t'avais le FPS, enfin le TPS coop coloré, t'avais le TPS militaire coop. Ensuite, t'avais. Il y a Splatoon, Splatoon mousseux. Le Splatoon coloré. Splatoon co-op. Au champagne. Mais qui intéresse les gens. Starship Trooper, c'est un co-op à 4. Il s'appelle Helldivers 2. Helldivers 2. Teardown qui va être un délire absolu. Teardown. C'est le truc. Teardown. Teardown, celui-là, celle-là, c'est le jeu sur lequel je passe mes soirées quand je suis énervé. Ah, puis non, attends, on va pas parler de celui-là. Comme ça, en voxel. En voxel, comme ça, je peux cramer des immeubles, faire tomber des immeubles sur d'autres immeubles. Moi, j'attends beaucoup de celui avec le livre, là, tu sais. Oui, voilà, celui-là. Lucky Squire. Dans la BD, et tu sors, t'es en 3D. Là. C'est celui qui m'a le plus hypé de tout le. Mais bon, c'est pareil, c'est un jeu qu'on avait déjà vu au premier showcase ou au deuxième PS5. Donc, c'est pas. Ouais, mais là on l'a bien vu. C'est pas vraiment une nouveauté pour le coup. Non. Mais Sword of the Sea, avec The Journey qui revient quoi, Sword of the Sea. Ouais. Pas trop mal. Non, mais il y avait pas beaucoup de jeux de façon dans ce showcase. C'était non, mais décevant. En fait globalement on se rend compte que il y a quand même eu pas mal de déçus. Il y a eu pas mal de déçus sur ce showcase. Alors que moi, je vais commencer par donner mon avis, après je vous laisserai la parole. Mais moi, franchement, comme je disais sur le Discord, j'en attendais vraiment rien. Je fais partie de pas mal de joueurs, justement, je n'attendais rien. Que ce soit en plat ou en VR. J'ai eu des Resident 4 pour la VR, même si on n'a pas vu encore énormément de choses. Arizona Sunshine 2, moi j'ai adoré le premier. Je suis très content qu'ils aient annoncé justement le 2 sur ce showcase-là. Même si c'était qu'une cinématique et qu'on ne sait pas encore grand-chose dessus. Je fais confiance. Et de toute façon... moi j'essaie de garder en mémoire que un showcase ça veut pas dire voici les jeux, tous les jeux, absolument tous les jeux qui vont sortir cette année. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir d'autres trucs qui sont pas encore annoncés et qui vont arriver un petit peu plus tard. Et ça, j'ai l'impression dans la tête de certaines personnes, en tout cas de certains commentaires qu'on a pu voir soit sur internet soit sur le Discord, il y en a beaucoup qui pensent que le showcase il m'a déçu, je vais revendre mon casque. Il y en a eu un, mais c'est souvent du pipeau aussi, les mecs. Mais c'est un effet d'annonce. Oui, effet d'annonce. Ça se trouve, il l'a jamais acheté. Ou il va pas le faire, mais ça peu importe. Ça reste quand même une réflexion qu'on entend et c'est pas le seul à avoir écrit ce genre de choses. Mais voilà, il faut garder en tête qu'un showcase ça veut pas dire voici tout le line-up jusqu'à la fin de l'année et il y aura ça et rien d'autre sur la console. Non, sur PSVR 2. Je vais te poser la question dans l'autre sens, c'est quoi un showcase pour toi? Un showcase, pour moi, c'est une présentation comme ce qui était montré là, c'est-à-dire une suite de trailers, et basta. Je me pose pas plus de questions que ça. Comment tu le différencies d'un State of Play? Je le différencie pas. Au départ, même avant qu'on commence le live... Pourquoi il y a un nom différent, alors? Oh, j'en sais foutrement rien, moi, je suis pas communicant chez Sony. Eh ben voilà. Donc le problème, il est là, en fait. C'est que c'est la dénomination showcase, elle fait référence au premier... avec l'annonce de le reveal de la PS5 et au suivant qui est venu un an après où tu as eu tout un tas de jeux, notamment je crois qu'il y avait eu God of War qui sortait cette année, fin d'année 2022, qui avait été décalé finalement, enfin bref, Mais c'était, on va dire, enfin, c'est là où tu as l'annonce des jeux PlayStation Studio. En général, les jeux indés, justement, ils mettent énormément l'accent dessus quand ils en parlent dans les PS Blog, où ils te disent, attention, State of Play, pas de jeu first party, ce ne sera que des jeux indépendants. Là, dans la com qui a été faite sur le PS Blog, c'était bien annoncé qu'ils parleraient et des jeux PlayStation Studio et des jeux indépendants. Mais enfin, si tu fais le ratio entre le nombre de jeux indés et le nombre de jeux first party, enfin, ou des studios PlayStation, ben, la balance, elle est pas bonne, quoi. Et en fait, là où les gens râlent, finalement, c'est que, et à juste titre, c'est que ce qu'on a vu, c'est essentiellement des jeux tiers, et qui en plus ne sont pas exclusifs à la PS5, puisqu'il y a un bon paquet qui sort sur Xbox. Oui, la majorité des jeux plans. La majorité. Ou sur PC, ou sur PC même pour le jeu de Haven Studio, qui sort en même temps, et sur PS5 et sur PC. Le jeu multi, là, Form ou Farmer, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc en fait le réel problème il est là et bah, du coup pour rebondir sur ce que disait la personne qui va revendre son casque bah écoute tant pis les jeux qu'on a eu en VR ils sont pas du tout dégueulasses comme on l'a dit moi Crossfire il m'intrigue bon Resident Evil 4 il va falloir que je finisse le 8 d'abord avant de on verra si tu veux mais bon il a l'air quand même très joli et je pense que ça sera un succès et tant mieux. Synapse, il a l'air vraiment top. Et puis l'autre, j'ai oublié, on en a parlé. Arizona. Arizona Sunshine. Ah, Arizona Sunshine 2, ouais, bon, celui-là, on en sait rien. Donc, du coup, je m'en serais pas trop. Beat Saber, mais est-ce que... on s'en fout, en fait. Ce que je veux dire, c'est bien pour ceux. C'est bien pour ceux qui ont la version PS4, ils peuvent y rejouer sur PS5. Et pour ceux qui viennent d'avoir le PSVR 2 et qui connaissent pas du tout aussi, c'est quand même un bon jeu. Mais c'est vrai que pour ceux qui en mangent depuis des années. Le fait qu'il ait fait gratos, je pense que c'est pour dire aux gens, bon, ben, si vous avez votre bibliothèque avec toutes les chansons Beat Saber, vous changez le casque, vous pouvez acheter de nouveaux packs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté d'acheter des packs. Oui, bien sûr, mais bon, voilà, la transition est possible, sans surcoût, donc ça c'est déjà le minimum, on va dire, pour un jeu comme ça, qui en plus est transgénérationnel, tu pourras y jouer sur des casques pendant 1000 ans à ce jeu. Ouais. Tant que t'en as pas marre, en gros, le concept, il s'épuise. D'ailleurs, il lance en même temps que le jeu, il lance le pack Queen. Avec 11 morceaux de Queen. Ouais. Exact. Qu'on ne passera pas là pour ne pas se faire striker. Mais du coup, donc là où est le vrai problème et la vraie déception, c'est que. Et puis c'est finalement la conclusion de ce showcase, c'est où sont les PlayStation Studios en VR ? Ouais. Est-ce qu'ils ne le gardent pas pour. C'est quoi les Game Summer Fest ? Pour un showcase ? Non, par exemple, pour un autre showcase. Ah bah oui. Non mais tu peux pas. Enfin, si en plus justement ils viennent de le sortir en magasin. Alors encore une fois, je parle pas forcément de révéler tout le catalogue ou tout ce qui est en préparation ou ce que tu veux, mais au moins un. Et tout le monde. Enfin, on sait. Bah, pour rassurer. Un peu, on espère du coup qu'il y aura un Astrobot. Tout le monde attend Astrobot. Bah je sais pas, tu fais un petit clin d'œil ou quoi en disant bon ben on développe quoi, tu vois. On est dessus. Mmh. On a rien à présenter, mais on est dessus, tu vois. Un petit one more thing, une petite, un petit chips, un petit truc, tu vois. Un petit Astro qui traverse l'écran et qui fait coucou avec un casque PSVR 2. Exactement. Et puis terminé, tu vois. Avec les notes de musique. Les notes de musique qu'on reconnaîtrait. Oui, voilà. On a beau dire un petit détail, un petit truc. On a beau dire ce qu'on veut, même si le développement était retardé, il y a eu le Covid, machin, ça a pris plus de temps, etc., etc. Ok, pas de problème. Mais ça n'empêche que Arizona Sunshine, c'est pas le gameplay du jeu, quoi. C'est un trailer. Donc, c'est un trailer en gros, fun, ce qu'on peut reprocher justement et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on peut reprocher la mauvaise communication et la mauvaise appellation de Sony et les attentes trop fortes des joueurs par rapport à des présentations. Pas d'attente. Non, pas d'attente trop forte. À des présentations qui sont de toute façon décevantes. Enfin, moi, les State of Play ou les Showcase ou n'importe quoi, comment ça s'appelle, à chaque fois, j'ai été déçu. Moi, c'est pour ça que maintenant, moi, mes attentes sont vraiment râlées et pâquerettes. Mais vraiment. Comme non, ça. C'est comment ça a été présenté. Ça a été dans un article. C'est pas avoir une attente démesurée que de dire, enfin, que d'interpréter ce que tu lis sur le blog, hein, que tu auras des first party. Des jeux PS5 et PSVR2. Ouais, non, mais des first party et des indépendants PS5, PSVR2. Après je sais pas. Cacahuète. Tu nous as lu justement la présentation de certains jeux qui étaient présentés sur le PS Blog avant l'émission. C'est du random marketeur. Oui, bah c'est du marketing. C'est nul à chier. Bullshit marketing. C'est, que ce soit aussi une déclaration de Jim Ryan avant la vidéo, mais moi, ce mec-là, pour moi, c'est du vent, quoi. C'est du vent. Alors, je sais qu'il pèse chez PlayStation, bien évidemment. Mais toute sa parole, pour moi, pèse pas plus lourd qu'un pet de lapin, quoi. Clairement. Donc, c'est pour ça, même s'il nous annonce. Un pet de lapin qui rapporte un peu d'argent. Même s'il nous annonce des choses complètement incroyables avec voilà, des adjectifs. Le pavé en or. Dithyrambique et tout. Et ben en fait, moi, j'attends de voir ce que j'ai vu en attendant rien. Et m'a plutôt plu. Tu vois, l'espèce de nouvelle licence là, avec le samouraï un peu vénère en plat. Moi, Phantom Blade Zero. Ouais, enfin, pas la Dark Souls. Voilà, super nerveux. Là. Un peu. Ben, moi, j'étais content de voir ça, justement. C'est un petit peu de sang neuf. J'ai pas lu les annonces justement qu'il y avait avant parce que j'ai suivi un petit peu de loin justement ce truc là et en fait j'ai bien fait quoi, tout simplement. Je pense pas qu'il faille être trop attaché justement aux descriptions. Ce n'est que mon avis. C'est mon avis, hein. Je te réponds que ce n'est pas sur-hypé que d'attendre des jeux, des studios évidemment, internes ouais. à PlayStation sur un showcase. Moi, je suis assez d'accord parce que on était quand même. Le PSVR 2 est sorti, donc là maintenant il est sorti en boutique. On sait qu'on va rentrer dans la période d'été, qu'au mois de septembre ça va démarrer avec la période de Noël. Tu disais c'était un excellent moment pour annoncer 2-3 petits trucs. Alors moi perso, je vous l'avais déjà dit, hein, pour moi le vrai lancement du PSVR 2 se fera à partir du mois de septembre pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qu'il y a forcément les ventes vont baisser et qu'il va falloir remettre un coup de boost à la rentrée. Mais donc du coup moi à la base ce showcase quand on a su qu'il allait arriver, ça m'a fait ni chaud ni froid, j'ai même pas réagi. En fait ce qui m'a hypé c'est l'article du PlayStation Blog, parce que j'aurais pas lu cet article là, je me serais foutu devant comme d'habitude sans me dire j'attends quelque chose en fait. Et quand j'ai lu l'émission durera un peu plus d'une heure et se concentrera sur les jeux PS5 et PSVR2 et qu'après tu lis attendez-vous à un aperçu de plusieurs nouvelles créations de PlayStation Studio, ça a fait ding dans ma tête, j'ai dit putain il y a Astro qui arrive et du coup pas d'Astro et merde. Et bah, surtout qu'ils teasaient à mort les enfoirés sur Twitter. Ils teasaient à mort. Ouais. Et du coup, en fait, je suis sûr que j'aurais pas vu cet article-là. Je l'aurais regardé comme une émission classique et je serais allé me coucher en me disant ouais, c'était pas mal. Je dois t'avouer un truc, Laurent, c'est que j'ai appris que le showcase allait durer une heure après avoir commencé l'enregistrement. C'est vous qui me l'avez dit. Ah oui, d'accord. Je pensais que ça allait durer 25 minutes. Hein. Il fallait pas t'ajouter d'autres informations. Il y en avait donc déjà pas mal. Tu pouvais pas être déçu en fait. Ah non, c'est ça. Mais j'ai pris vraiment les choses comme elles venaient, quoi. Uniquement comme elle venait. Simplement. C'est pas une attente démesurée que d'attendre des jeux first party. J'ai pas dit que c'était une attente démesurée. Je t'ai dit juste que, comme a dit Laurent, justement, j'ai pris les trucs comme ça venait. Tout simplement. Sans attendre quoi que ce soit. Surtout que, par contre, là où. C'est vrai que le premier PSVR, quand il est sorti, donc vraiment le jour J de sa sortie, on avait déjà 6 jeux first party PlayStation Studio, le jour de la sortie. Au total, il y en a eu 19 sur toute la durée de vie du PSVR. Et que là, on a eu juste sur le PSVR de Horizon le jour de sa sortie. Et puis un peu plus tard, GT7 qui est arrivé quelques semaines qui ont suivi. Donc pour l'instant, on n'a que 2 jeux PlayStation Studio sur le PSVR 2 contre 6 le jour de la sortie du PSVR. Donc c'est pour ça que je me disais il va peut-être y en avoir un troisième qui va sortir là et puis peut-être 2 autres au mois de septembre. Donc j'avais commencé moi à me faire ça a fait ch'ting dans ma tête, j'ai dit putain mais c'est bizarre qu'ils aient écrit ça quand même. Et c'est là où la com franchement ils auraient pu être clairs en disant en séparant 2 chapitres, en mettant un chapitre jeu PS5 et en disant dans ce chapitre plusieurs nouvelles créations du PlayStation Studio et en faisant et vous verrez aussi des jeux PSVR2, comme ça tu vois que c'est pas dans le même bloc, tu risques pas de faire la confusion et t'es pas déçu quoi. Non, mais ou alors ils en ont parce que réellement combien il y a de studios qui travaillent sur la VR. Ouais, on n'en sait rien, mais sur les 20, il ne doit pas y en avoir plus de 5 ou 6. Quoi, non, tu vois. Ouais. Donc, et si ça se trouve, ils ont 6 jeux, et les 6 jeux, ils vont en sortir un par an sur toute la durée de vie du casque et terminé. Alors, moi, j'aimerais bien avoir un petit peu l'avis de El Rocco qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'entendre jusque-là. Merci avis, El Rocco. En fait, c'est bis repetita parce que pour moi, la déception, elle est là. On peut la comprendre. Par rapport à comment ça a été communiqué, mais bon, c'est pas d'hier qu'on sait que Sony communique un petit peu avec un pied comme ça va quoi, que voilà, celui qui écrit sur PlayStation Blog et tout, et ben, il devrait arrêter le CBD, quoi, je sais pas, mais faire autre chose, quoi. Mais ouais, c'est... Ou en prendre plus, écrire moins de conneries. Moi, il dormirait, il écrirait plus, quoi. Mais non, mais c'est vrai que ça a été, c'était malhabile, voilà, de mettre quand même le PSVR2, les mots PSVR2, PlayStation Studio ensemble. First party. Voilà, first party. Et ça a été maladroit, donc du coup, bah, tout le monde se met, et puis ça a dû être relayé, voilà, par la presse spécialisée. Donc attendez, ah, il y a allez, boule de neige, tac, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on attend pour ce showcase ? On est à bloc. Mais voilà, la déception, elle peut se comprendre, parce que aussi, au bout d'un moment, ayez, c'est encore un petit peu, c'est moralisateur, mais ayez un minimum d'esprit critique. Faites-vous une opinion, c'est pas parce qu'il y a un Gus. Vous avez le droit d'aimer un Gus, un JC, un Momo, il n'y a pas de souci. Un VR 4 Player, ouais, oui, non, mais un Lolo. Non, pas moi. Mais pas si. Moi. Ils s'en foutent de notre gueule. Je suis trop méchant. Trop vieux, on est trop vieux. Puis méchant. Et non, mais voilà, on a le droit, mais. Penser un petit peu, voilà, essayer d'avoir un petit peu de recul sur les choses, l'information, qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui a été dit avant. Comment ça s'est passé pendant les derniers showcase, pendant les derniers State of Play. Et vous ne serez pas déçus, regardez ça normalement. Et ça, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a quand même une nouveauté, mais personne n'en parle. C'est le projet Q. Tu sais même pas ce que c'est. C'est la manette avec l'écran. Qui permet de jouer. Ah si, tout le monde en parle. Enfin, tout le monde peut-être pas, mais il y en a qui en parlent en disant Sony reproduit. Enfin, Sony copie et reproduit les erreurs de la concurrence avec marqué Q et le symbole de la Wii U. Ah ouais, bah, en plus sur l'écran. C'est bien, c'est les merdeux qui ont déjà repris. Voilà, qui ont commencé le boulot, c'est très bien. Mais d'un point de vue pratique, c'est quand même intéressant. Je parle vite fait de ce truc-là, mais c'est quand même un produit intéressant. Par exemple, moi, je vois, j'ai une femme, j'ai des enfants. Oh, c'est du gadget. Mais quand ta maman qui veut regarder son... Et tu peux le faire sur ton portable. 365. Bon, oui, mais moi, j'ai pas un portable qui envoie... Eh ben, tu joues au PSVR 2 pendant qu'elle regarde la télé. J'ai déjà fait ça. Oui, je suis en Wi-Fi, mais mon... Le PlayStation, je pense qu'il doit y avoir un problème de compatibilité. Pas de question. Il y a un problème je suis, t'inquiète. Il y a un problème de compatibilité avec mon portable, ça rame. J'ai essayé avec Morales ou Spider-Man, je ne sais plus. Ouais. Ça ramait, donc c'était injouable. Donc j'ai pas essayé plus loin. Moi, à partir d'un moment où je ne peux pas jouer au jeu du moment sur mon truc, je laisse tomber. Ça ne marche pas, c'est de la merde. Et puis, je ne vais pas m'acheter un iPhone ou un portable à 1500 balles pour pouvoir jouer en Wi-Fi et tout. Je préfère attendre que ça vienne ou attendre mon tour. La mablette, c'est la même chose, hein. C'est en Wi-Fi. Hein. Oui, mais c'est un ça produit. Passe par le réseau Wi-Fi. Oui, mais c'est pas le Wi-Fi. Mais ça peut pas être ma fibre, le problème. C'est impossible. C'est forcément au niveau device. Wi-Fi 6. Voilà. Je pense que c'est plus de compatibilité d'application avec le téléphone. Voilà. Mais... Du coup, voilà à quoi il sert le module Wi-Fi 6. Exactement. On le sait, c'est pas pour faire du Airlink en VR, c'est pour faire du Airlink avec la mablette. Voilà. C'est ça. Ouais. Pour jouer dans des toilettes, c'est cool. Ouais, n'importe quoi. Pour y passer encore plus de temps. Ton téléphone. Et moins de temps avec vos gosses, c'est votre femme. C'est vraiment une console portable de streaming. Et tu peux quand même mettre. Tu peux quand même mettre. C'est pas une console. Hein. Oui, voilà, tu peux pas mettre une puce dedans et aller jouer. Non, c'est pas une console, c'est du stream. Ah non, c'est tu peux jouer chez toi sur ton réseau Wi-Fi. C'est un accessoire. Alors là, si tu veux, le prix, il a intérêt à être calmos parce que s'il est. 300 balles, comme la manette. 300 balles pour jouer en streaming chez toi. J'y ai pensé. Ils vont se vautrer. Non, mais il y a l'écran. Hein. Bah, on s'en fout de l'écran. 300 balles pour jouer en streaming dans ta propre maison. La Sense, c'est quoi le truc? C'est 69, 79 balles? 70 balles, ouais. 70 balles. Tu rajoutes l'écran. Alors, on ne sait pas s'il est en 720, en 1080 ou plus. Ça va être du 4K. Hein. Ça va être du 4K. Bon, ben, ça va arracher une couille. Et... Ah, attends, ils ont des jeux 4K. Ils te vendent ça si tu streams. 2K max. 1080, moi. Et les écouteurs aussi. Ah. Un petit 69 balles supplémentaires. Donc, on y arrivera aux 300 balles. Et ça, mais les écouteurs, ils sont à part, non? Ils sont à part, oui. Mais ils sont complémentaires. Ouais. Ouais, mais ils sont surtout connectables avec tout, quoi. Est-ce qu'ils seraient pas mal? Est-ce que ça serait... Je sais pas si je vais pas y tester sur le PSVR 2, ça, pourquoi pas? Les écouteurs. D'ailleurs, ça m'a fait marrer, la petite lumière, elle n'est pas assez visible, tu vois, ils vont inventer un nouveau gadget, tu vois, comme pour les VR Sense, tu vois, un truc avec plein de petites couleurs de l'arc-en-ciel, tout pour être bien sûr que tes manettes rechargent, parce que c'est compliqué de les mettre dessus et de voir la petite boupiote pour... La petite lumière blanche. Mais bon, c'est compliqué. Herbie, il a pas réussi à les connecter dans le bon sens lors d'une présentation. Bon, c'est... Petite pique, Herbie, les aléas du direct. Après, on s'y fait vite. Je fais le petit coup. C'est vrai qu'au début, c'est pas super instinctif, mais quand tu joues régulièrement, oui, après, bah, c'est comme tout. Tu prends l'habitude, ouais. Claque, tu les mets, et puis c'est marre. Tu les mets dans le coup. Non, mais voilà. Mais sinon, on en a discuté un petit peu. Bon, hormis le côté déception qui peut se comprendre, parce qu'il n'y a pas eu les first parties, voilà, que les gens attendaient, mais peut-être qu'on en attendait trop. Vous avez quand même, moi j'ai personnellement, j'ai une douzaine de jeux qui sont intéressants et qui envoient du bois, quoi. Donc il y a quand même. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais Street, moi pour ma part, je joue plus aux jeux de combat, mais Street Fighter 6, mais il a arraché les yeux, quoi. Il est terrible. Et franchement, je jouerais encore aux jeux de combat, je serais content de jouer à ce truc-là. Mais après, Sword of Steel, il y a de l'indé. Bon, là où je suis un petit peu déçu et limite énervé, c'est sur Mirage, là, Assassin's Creed, là, parce que j'ai l'impression que... Mais moi, j'allais dire, tu vois, j'ai regardé en 4K, bon, alors c'est pas ouf, un bond en arrière. C'est un jeu cross-gen, c'est un jeu PS4, PS5. Mais même. Donc forcément. Ah bah non. Bah non, t'es limité, comme d'hab. Valhalla, c'était un jeu full next-gen. Valhalla, non, non. Je suis pas sûr. Non. Je crois pas. Hein. Pas du tout. Mmh. Pas du tout. Non, bah là, il était sur PS4 aussi. Hein. Mmh. Alors, j'ai rien dit. Et il y a des exclus, Sony, bon, qu'on a déjà vu, mais il y a un FF16. Je joue plus à FF. Mais quand même, putain, il envoie. Bah, c'est du gros, ouais. Je regardais une vidéo de Gia, c'est le mec qui a fait les combats de Devil May Cry. Enfin, il a bossé sur Devil May Cry et je sais plus quel. Mais autre. Ça va envoyer, vous avez ça, vous avez de l'indé, vous avez du Spider-Man, du Street Fighter, du Alan Wake, bon, Metal Gear. Il y aura les premiers qui vont être apparemment jouables. Bon, ça c'est ce qui. Ouais, mais ok, mais... Elronco, mais tout ça sort chez la concurrence et tout ça ne fait pas partie des first parties. Ça ne fait pas partie. Ouais. Oui, on peut être déçu de ce côté-là, mais qu'est-ce que. Donc ça pourrait très bien se foutre dans un state of play et pas un showcase. Non, je suis d'accord avec toi. Mais voilà. C'est juste ça en fait, ouais, le problème, ouais. C'est que c'est. Mais je là, c'est encore une erreur de com. C'est encore de la vente. Enfin. Oui. C'est voilà, c'est de la com. Un mauvais effet d'annonce. Mais ce qui ressort souvent, c'est décevant, décevant. J'avais pas d'attente. J'attendais rien. Enfin, hormis des jeux PlayStation Studio, mais j'attendais rien. Vraiment. Bah, de toute façon, je pense que je fais exprès d'être surpris par cette mentalité qui évolue, qui. Dans cette insatisfaction générale, tu vois, parce que même quand on a le plus beau jeu du monde, enfin, on va dire, hein, le Last of Us 2, qu'on est quand même capable de lui chier dessus, c'est pas normal. Il y a un problème. Après, si le jeu a un problème, comme... Qui a chié sur le... On lui a pas chié dessus techniquement, on lui a chié dessus parce que l'histoire était particulière, parce que mise en scène, parce que les choix, parce que voilà. Tu vois, des jeux comme Days Gone, si tu vas pas plus loin que ce qu'on te montre, parce que le jeu, si t'as un minimum de connexion au cerveau, tu vois quand même qu'il y a quelque chose derrière, même si c'est optimisé avec le cul. Je suis d'accord. Death Gun, il avait un univers qui était sympa. Après, le truc, c'est que ça reste un monde ouvert, un peu à la Horizon, dont tout le monde en a un peu plein le cul. Et surtout, c'était un jeu de zombies. Et en fait, je pense que sa sortie est arrivée au mauvais moment, parce que c'était un énième jeu de zombies. T'as raison, il n'aurait jamais dû sortir dans notre génération. Il n'aurait jamais dû sortir dans cette génération, parce que je pense, franchement, qu'on ne mérite pas, en fait, tout ce que les mecs comme ça, qui se décarcassent un minimum, tu vois, pour nous proposer des choses, même si, personne n'est infaillible. J'ai l'impression qu'en fait les gens ils veulent quoi, ils veulent faire leur Call of chaque année, leur FIFA chaque année. Mais c'est exactement ça. Pourquoi tu crois que c'est les number one tous les ans? Bah parce qu'il y a plus de casus que de joueurs. Parce que c'est surtout ce qui les intéresse. Enfin. Bah oui, il y a plus de casus, il y a plus de casus que de joueurs. Mais à partir de ce moment-là, il faut pas venir se plaindre et chialer. Qu'il n'y a pas de deux. Non, mais attention, après je pense qu'on va recentrer un petit peu le débat, parce que là on est en train de se disperser dans un truc un peu plus général. C'est pas du tout notre genre. Mais du tout, de la digression. Mais c'est vrai que, attention, ils disent que, je veux dire, Internet c'est quand même. Non mais il y a pas de, on dit que, ils disent que non. Les stats parlent. Je veux dire, FIFA et Call of, c'est les jeux les plus vendus ce tous les ans. Ce que je veux dire, voilà, et les jeux c'est les mêmes d'année en année. Ce que je veux dire, c'est que les gens disent que c'est une certaine poignée de gens qui ont que ça à foutre de parler sur les réseaux. Et de donner son avis, en général négatif et à contre-courant de ce qui est annoncé sur une news ou n'importe quoi, pour c'est juste, je sais pas, parce qu'ils ont le temps de se plaindre, quoi, tout simplement, et qu'il ne faut pas non plus oublier la majorité silencieuse qui est derrière et qui kiffe, et voilà. Celle qui achète. Justement, le PSVR 2 et la communication qu'il y a eu dessus, on est un très très bon exemple, par exemple, avec ceux qui sont très très virulents contre la VR en général ou le PSVR 2. Ça taillait dans le showcase hier. Qui trash et qui au passage VR. Voilà, qui trash et qui. J'ai même pas regardé. Ça crachait, par contre, il y a un paquet de gens, c'est vrai. Comme moi, même quand ils vont voir des trucs comme ça, juste ferment leur gueule, profitent et puis terminé. Exactement. Il y en a un gros paquet, quoi. Mais c'est un peu le même débat que finissez vos jeux, si tu veux. C'est arrêter de. En gros, c'est arrêter de vous plaindre, d'attendre toujours la perfection, d'attendre. Enfin voilà, il y a du bien, il y a du moins bien. Ça reste quand même un bruit de fond agaçant, quoi. En fait, voilà. En fait, c'est ça. Finalement, t'as tout résumé. Et du coup, on va fermer la chaîne sur cette parole. C'est faites vos propres choix, finalement. Allez, ciao. Non, mais c'est vrai. Arrêtez d'attendre la vie d'un tel ou d'un tel. Faites vos propres choix. Finalement, faites ce qui vous fait envie. Jouez à ce qui vous fait envie. Et puis profitez. Voilà, en fait, c'est ça. Profitez de ce que vous avez. Jouez à ce qui vous fait envie. Et puis basta. Et puis. Discutez avec des gens qui ont les mêmes goûts que vous. Et puis. C'est pour ça qu'on aime bien discuter ensemble, parce qu'aucun de nous n'a les mêmes goûts. Et du coup, on s'envoie des fions, donc c'est l'opposé de ce que je viens de dire avant. Mais on partage quand même cette passion sur la VR. Est-ce que quelque part, on n'aime pas bien s'envoyer des fions aussi? Si, aussi. Parce que sinon, on ne s'entendrait pas. C'est rigolo. J'avoue que c'est rigolo. Mais bon, voilà. En fait, tout ça pour dire que. Putain, jouez à ce que vous avez envie de jouer, profitez de ce que vous avez, de ce que vous pouvez acheter, etc. etc. Mais en fait, faut arrêter d'en attendre toujours plus. Ce qui me gênait surtout, en fait, c'est justement quand on dit les gens disent. Sur internet, la voix unique n'existe pas sur internet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ceux que t'entends le plus, il y a ceux que t'entends le plus, ceux que t'entends si. Moins. Ah bah si, maintenant la voix unique, et même d'ailleurs, ça me fait halluciner, ils s'appellent les randoms là, bref. Maintenant la voix parle en fonction de ton nombre d'abonnés ou de ton nombre de followers. C'est ou de, pas la bonne façon de follower, c'est pas la bonne façon d'écouter les choses. Hein, et d'écouter aujourd'hui il y a des argumentaires qui sont faits là-dessus. C'est qu'est-ce que tu ouvres ta bouche avec tes 3000 abonnés. Je veux dire, t'es un random, quoi. Tu vois, c'est l'insulte du moment. C'était un random. Bon, on est des randoms, complètement. On est des randoms, oui, carrément. Hein. Oui, mais enfin tout le monde est un random. Je veux dire, c'est pas parce que, hormis des mecs qui ont peut-être, ils peuvent prouver scientifiquement que ce que tu veux, mais là après on parle de divertissement. Mais je découvre, hein, mais les gens qui disent ce genre de choses là, ils sont contents de porter une laisse tirée par de quoi de tirer de, d'avoir une laisse autour du cou tirée par justement ceux qui pèsent. Je sais pas, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris le sens de votre question. Non, mais tu dis est-ce que les adeptes sont contents d'être des adeptes? D'être des adeptes, quoi, d'être des bons chiens de ceux qui pèsent, quoi. C'est le principe de l'idolâtrie, hein, tu sais. L'esprit critique. Oh, ça fait flipper, hein. Ça fait flipper. Ouais, oui, non, mais ça risque pas de t'arriver. Ce manque de recul et de. Comment on appelle ça? De sens critique, ouais, c'est l'esprit critique. C'est toi qui disais ça, Elronco, tout à l'heure. L'esprit critique, voilà. Putain, mais faites-vous vos propres avis par vos propres expériences. Et je pense qu'il est aussi là le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui consomment les jeux via les différents réseaux, et en fait, qui ne jouent pas. Et qui pensent. Comment dirais-je qui joue de cette manière-là, si tu veux. On en avait déjà parlé aussi de ça, que ça je pense que ça nuit un petit peu aux ventes. Un exemple d'esprit critique, là, qui me fait bouillonner, là. Parce que bon, j'adore Metal Gear Solid. Bon, il y a le remake, même si c'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Voilà, bon. Le 4, le remake du 4 avec les Beauty and the Beast. Le 3, il est pas mal aussi. Je crois que je vais essayer de trouver une vidéo pour le montage. Oh, il y en a, t'inquiète, il y en a une. Comment y en ça a pu passer? Il y en a une. Et pour Metal Gear Solid Delta, qui développe le jeu? Konami. Non, ça c'est l'éditeur. Qui développe le jeu? Je sais même plus. Et c'est pas écrit. Ah non, c'est pas écrit. Esprit critique. Est-ce que c'est c'est qui les pecnos, en fait? Ce sont ceux qui nous ont pondu Survive. C'est qui le random? Est-ce que c'est Survive? C'est Bluepoint? Si c'est Bluepoint, alors là, là je fais ouh. Mais si c'est Survive, tu vois, c'est ce genre de petits détails où il faut. Alors, pour le moment, on n'a vu qu'une cinématique, ça va. Alors la cinématique, mais de toute façon, tu vois l'intérêt des gens sur. Voilà, tu. Alan Wake 2, là je suis sur le YouTube UK de PlayStation, ça fait 356 000 vues, ok, Alan Wake 2. Et Metal, alors que Alan Wake 2, il a quand même montré pas mal de choses, hein, tu vois, à la fois de, bah du un peu du let's play, du gameplay. Du gameplay, ouais. Voilà, du graphisme, du graphique. Alors que, donc ça fait 356 000 vues, Metal Gear Solid. C'est pas un gameplay du tout, c'est une cinématique qui dure 20 secondes. Il fait le triple. On n'a pas. T'as Alan Wake 2 ou t'as Remedy. Ils sont descendus d'Alan Wake aussi. Et puis... Ouais, mais attends, mais c'est Remedy, bordel. Ah, mais je sais, mais Remedy, tu sais, c'est un petit canard ultra talentueux. Remedy, c'est Max Payne. Remedy, c'est Control. Control, il a pas fonctionné. Ils vendent pas, mais c'est. Ouais, mais tu. Ouais, mais Control, c'est un jeu, il tue. Mais bien sûr. Mais oui, non, mais je sais. D'après ce que vous en avez dit, je ne l'ai pas fait. Et Alan Wake. D'après ce que vous en avez dit, c'est un jeu qui est bien. Donc, c'est pour ça que je vous dis le succès critique, on va dire, est là, mais pas le succès commercial. Donc voilà, mais. Metal Gear, on ne sait pas qui fait le jeu. Et non, effectivement, ce n'est pas marqué. Je suis même sûr que tout le monde a déjà envoyé la sauce, mais calmez-vous. Calmez-vous. Mais vous serez déçus comme tout le monde, peut-être. Bah oui, voilà. Mais oui. Et puis. Il parle d'un remake fidèle. Donc, bon. Ouais. Konami, avec les problèmes de déplacement qu'il y avait à l'époque. Konami. Ah. Ah, mais fidèle. Fidèle. Je pense que si le jeu doit sortir et qu'il y a un petit problème d'optimisation, Konami va le sortir quand même. Tu vois, la machine à fric est lancée. Ça va pas être un Kojima qui va péter les couilles à tout le monde et qui va dire ah, en fait, j'ai besoin de plus de budget et de 6 mois de développement supplémentaire. Ouais, mais Kojima, c'est déjà ton sixième pas, retard. Kojima, il a même pas réagi, il a même pas bougé une seule oreille, hein, d'ailleurs, à l'annonce. Non, sur les réseaux, j'ai pas fait. Et pourtant, il bouge. Hein, ouais, et... mais non. Ah non, mais il est sur DS2, qu'on n'a pas vu. Mais bon, voilà quoi. Mais c'est ce que je veux dire, Majo, c'est finissez vos jeux. Donc, alors, vos bons jeux, pas vos jeux pourris, hein, parce que voilà, faut pas non plus être débile. Mais non, mais c'est vrai. T'as bien fini Ouragan Carter, toi? Ouais. Bon, d'ailleurs, ouais, mais à la base, d'ailleurs, tu vois, à la base, est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour transitionner? Et ben justement, je pense que c'est justement un très très bon moment, effectivement, Majo, pour faire la transition. Je pensais pas si commencer. T'as besoin, ça, tu me dis. Par, ouais. Je pense que je vais carrément te demander d'hoster les prochaines émissions, ça sera encore plus simple. Tellement tu es bon. On se foutra plus sur la gueule. On va commencer par. Bon, voilà, on a fait le tour, hein, pour le showcase. Je pense, voilà, le reste du débat. En commentaire et avec le sourire et surtout voilà, comme vous voulez en fait. Ouais, vous avez le choix là. Aujourd'hui vous pouvez lyncher El Rocco, Lolo ou moi. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, il est encore neutre. El Rocco, tapez 1. Non, je suis pas neutre, moi je suis positif. Mais voilà, je ne juge pas. Oui, mais tu es contre les gens qui sont négatifs. Donc, ouais, toi aussi tu vas prendre. Tu as des ennemis. Voilà, j'ai des ennemis. Ce soir, tu vas prendre. Donc. Des promesses, El Rocco, des promesses. Et ben on va commencer par le premier test, El Rocco. Justement, tu vas garder le micro en main et nous parler de Organ Quarter. Alors, le jeu de la Discord au sein de la rédaction de VR 4 Player. Laurent, reste là. C'est de toi qu'on parle. Je suis là. Je vais être tout ouïe. Je vais écouter. Alors, qu'est-ce que c'est que Organ Quarter, ce jeu next-gen PSVR 2 qui est sorti Next-gen, non, il va être très difficile. Il est très difficile à défendre parce que il est défendable uniquement sur les parties qui ne sont pas visibles, on va de dire, l'iceberg. Dans les. C'est un jeu PS2 30... VR, en fait, c'est ça? C'est un jeu PS2 VR, mais. Atari, non? Non, c'est Amata. Alors c'est Outer Brain Studio qui le développe, donc eux ils ont fait que deux jeux, ils ont fait celui-là et puis un jeu un peu à la The Ascent dans l'univers aussi cradingue, un peu dans le même délire, donc je pense qu'ils ont des petites inspirations là-dedans. Et édité par Amata Keke, donc Last Labyrinth et The Tale of Onogoro, qui sont on va dire si pareil, ils font pas l'unanimité. Ce qui est totalement normal, parce que ce ne sont pas des jeux next-gen, donc pas des jeux PSVR 2, loin de là. Et celui-là ne fait pas exception, et il est encore plus difficile, parce que c'est le premier contact, en général, ça se passe très très mal. Et ça s'est aussi passé très très mal pour moi. C'est-à-dire que ben on démarre, rien n'est expliqué. Enfin bon, il y a un petit tuto rapide, mais c'est surtout ce qui te frappe déjà, bah, c'est que bah, tu regardes ta main est moche. Tu commences, t'as alors tout est dans le noir, il y a juste un énorme tapis rouge avec une porte rouge au fond, comme dans certains films d'horreur sympathiques, et une petite musique, voilà, d'ambiance. Et quand tu regardes ta main, le sol, enfin tout, tu fais ouf, oh purée, ça pique. C'est les textures sont vraiment moches, vraiment dégueulasse, hein. Vraiment dégueulasse. La modélisation aussi, hein. La modélisation, c'est c'est des cubes, des rectangles, enfin voilà, c'est très très très basique. Surtout que quand tu passes la porte, et ben tu arrives sur le toit de ton immeuble. Quand tu ouvres la porte aussi. Oui. Oui, alors tu n'ouvres pas avec un mouvement, tu appuies sur la poignée et ça te téléporte directement sur alors, le truc. Alors l'argument qui va venir pour faire du positif, il est basé sur des choses négatives. Ça, on commence que par la merde, hein. Voilà. Vraiment, ouais, je commence par la merde. Il y a une odeur de merde, tu vois, une odeur de moisi, tu vois, mais tu grattes un petit peu et puis c'est quand tu commences à gratter. Et dedans, il y a du chocolat. Ah non, ah bah non, merde. Ça n'était toujours pas, non. Et en plus, oui, quand tu ouvres la porte et tout, tu tombes sur un ballon de basket. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que le ballon de basket, quand tu le fais rebondir, la physique est complètement à chier. C'est-à-dire que au fur et à mesure des rebonds, il prend de l'altitude. Franchement, j'ai trouvé ça super. Tu le balances et tout, et puis limite, tu peux marquer le panier, mais sans rien toucher. Ah, je suis dans un jeu humoristique. Ah, oui, non, mais après, il y a la porte suivante qui m'a étonné, c'est tout ce qui est, alors Lolo ça l'a beaucoup moins étonné parce que on va dire que son pare-feu graphisme pourri, et ben c'est du costaud, quand graphiquement ça passe pas, voilà, ça drôme after the fall, hein. C'est, t'as une mare de un genre de blob que tu dois traverser, et bah ce blob là il est pas si dégueulasse que ça, en fait c'est une espèce de monceau de chair, une masse chair, ouais, c'est de la chair, on sait pas trop ce que c'est en mouvement, c'est en train de bouillir, tu te rapproches, ça réagit, tu vois, mais c'est le sound design, c'est là que je dis eh ouais, ok, t'as un truc à me dire, qu'est-ce que tu veux me dire, je vois le truc, ok, bon, il y a l'haptique, le retour haptique, enfin voilà. Il n'y a pas de souci des vibrations. Bon, il n'y a pas les gâchettes adaptatives, par contre. On poursuit, on retombe sur un truc pourri. L'arme, la gestion de l'inventaire qui fait très old school. Le frag contre les ennemis est catastrophique. Mais vraiment, mauvais jeu PS2. Hein. Oui. On ne peut pas jouer assis au jeu. T'as pas d'option pour jouer assis. C'est-à-dire que moi, j'ai joué au jeu, j'avais l'impression d'être une personne de petite taille. Tout le long, j'avais les yeux au niveau des poignets. Ah d'accord. Bon, moi, c'est normal. Je sais pas. Moi, non, c'est normal. Et t'as joué assis Ah, si tu joues. Ah, pardon. Ah oui, tu joues assis. Il n'y a pas de mode. Mais lève-toi. Mais non, j'ai pas envie de me lever. Non, mais parce que t'as le mode pour s'accroupir, en fait. Enfin, tu t'accroupis réellement. Ah, oui, dans tu le t'as. Oui. Mais tu. Voilà. Du coup, si tu joues assis, bah, il part du principe que t'es accroupi. Mais est-ce que si t'es accroupi dans le jeu et que t'appuies sur le bouton, ça te lève automatiquement dans la. Non, ça te baisse encore plus. Ouais, donc, voilà. Mais pour montrer un petit peu. Par exemple, Cross the Valley avec les petits poussins, que c'est pareil, t'avais un mode assis, un mode debout. Et même en tentant d'intervertir les trucs, en essayant tout, en fait ça marchait pas. Donc t'appuyais et il se passait rien. Non, là c'est juste que t'as pas l'option. Et là t'as même pas l'option. Mais tu sais, des fois elle y est et elle marche pas. Okay. Donc, c'est juste qu'il faut jouer debout et basta. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, pour ceux qui aiment comme moi jouer debout, il y a du gameplay qui est plutôt sympathique, c'est-à-dire que le jeu, ben, ça va pas être pour le coup, tu vois, je vais prendre un jeu qui te bloque quand t'as une chaise et pourtant tu as la place pour passer, tu vois, genre Resident Evil, tu vois, si c'est n'importe lequel. Quand le jeu il a décidé que tu ne passeras pas, que tu ne vas pas couper la série de tables, voilà, qui est présente devant toi, tu vois, pour couper naturellement, ben ça, voilà, tu vas pas pouvoir le faire, il y a pas de souci. Mais dans celui-là, si t'as une table ou quoi, tu peux passer en dessous, tu peux passer et ainsi esquiver les ennemis. Et tu peux passer à travers. Tu peux passer à travers les murs aussi, non? Non. Il y a un truc aussi, dans certains murs tu peux. Certains murs, en fait, t'as des blocs de texture aussi. Et le système de sauvegarde, en fait, c'est des télés dégueulasses avec des monceaux de chair qu'il y a aussi dedans. Des télés bien faites. J'ai beaucoup aimé l'idée. Seulement, comme je jouais assis, en fait, du coup, j'étais juste avec la télé juste au-dessus de moi. Et je pouvais pas sauvegarder, j'étais obligé de faire. Comme ça. De me lever. Voilà. Et j'ai pas réussi. Normalement, t'es censé justement baisser ta tête et mettre ta tête dans le trou, quoi. Ouais, un jeu qui oblige Sai à se lever, c'est mort. Ouais. Et attends, je précise, avant. C'est 2 sur 10. Je fais partie des gens qui vont défendre ce jeu ce soir, voilà. Parce que je dis que les graphismes sont dégueulasses, qu'il y a pas de frag et qu'on peut jouer comme debout et que c'est chiant. Mais c'est un jeu. Pourtant, il y a une magie qui opère dedans. Oui, il est efficace. T'as déjà un petit jeu de. T'as un truc avec les ombres. Il y a une ambiance et tu t'expliques pas pourquoi en fait. En fait, non, le jeu a une identité. Le jeu a une identité. Le jeu a une identité. Déjà, au niveau. Les ombres sont efficaces. T'as des zones sombres que t'es obligé d'éclairer. Et la projection des ombres, elle est bien foutue. Elle est bien fichue. Que ce soit sur tout. Tu regardes ta main, les ennemis. Oui. Avec la lampe là. Les textures dégueulasses, genre les draps où il y a des trous dedans ou les machins, tu mets ta lampe torche devant, t'as une projection qui, elle, n'est pas dégueulasse. Tu vois. C'est ça. Et c'est tous ces petits trucs là, le sound design il est excellent. Je trouve personnellement que le sound design des ennemis, de toutes les masses et tout, et surtout à la fin, c'est parce que c'est un jeu qui se bonifie vraiment au fur et à mesure que tu joues. Le niveau de fin là, quand tu es, on va dire, mais dans les entrailles. De la chose, parce que pas de spoil. Ah, pas de spoil, ok. Bah oui, pas de spoil, oui. Il y a un scénario qui est classique au possible, comme pourrait l'être Silent Hill et tout, d'autres jeux, mais qui est ultra efficace parce que à partir du moment où le jeu il est cohérent, et il a déjà un plus, et ce jeu là il est cohérent, et c'est comme je dis, c'est dans le test, c'est une Madeleine de Proust parce que après, une fois que tu as balayé. Tout l'aspect graphique, tu vois, qui est super important maintenant, une fois que tu as balayé tout ça. Un bon balai, hein, déjà. Ah, il faut avoir un bon balai. Et que tu as joué à beaucoup de jeux d'horreur, c'est une Madeleine de Proust. Parce que le jeu. Tu vois, par exemple, un Afterlife VR, dans ce jeu-là, tout te fait chier. Jusqu'à recharger, ça te fait chier. Ça te fait pas peur, ça te surprend pas, il n'y a rien. Dans ce jeu-là, Organ Quarter, tu as des trucs, t'as des saloperies qui t'attendent vraiment au coin pour te péter à la gueule, là, le genre de. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est des espèces de cocons qui sont contre les murs, là. Voilà, qui sont un petit peu partout, collés partout et qui attendent que tu passes, tu fasses pas gaffe et tout. Et puis, on a vu dans le test, d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça que dans ce test-là que j'ai essayé, j'espère que ça a touché au moins une personne, je serais content. Qu'on voit vraiment ce que le jeu a à proposer. Parce que mine de rien, le rythme, il est peut-être lent, mais il est juste, il est maîtrisé. Quand on va dans la boîte de nuit, qui est, y a plusieurs environnements, hein. Il y a un cinéma qui est super bien fait, il y a une boîte de nuit qui a des trucs, mais c'est craspec. La boîte de nuit, tu l'as mise dans le test aussi, j'avoue, c'est chelou. Hein. C'est chelou. J'aurais pas dit boîte de nuit, moi, mais j'aurais dit boîte à autre chose. J'aurais pas dit super bien fait, moi. C'est tombé, c'est parce qu'on l'a dit. Alors, je vais juste essayer de résumer un petit peu mon expérience sur ce jeu-là. C'est qu'en fait, techniquement, il est complètement à la ramasse. Je trouve absolument rien à sauver dans ce jeu-là. Les musiques sont très très bonnes, je trouve. Oui. Les musiques sont vachement inspirées et vraiment appuient l'ambiance justement du jeu. Et une ambiance qui m'a fait, comme tu disais, Madeleine de Proust, complètement, qui m'a fait voyager dans le temps, mais à l'époque PS2, de Silent Hill 2 ou Silent Hill 3. Le filtre, t'as remarqué qu'il y avait un grain sur l'image, un filtre mais qui... Non, c'est le Muras. Le grain, les images, la musique, l'ambiance, la progression, le fait d'ouvrir des appartements qui ne servent absolument à rien, par exemple, au début... le fait de errer en ville, de te paumer un petit peu, alors que la ville n'est pas très très grande au départ, juste avant de prendre le métro, d'ouvrir des pièces, de découvrir par exemple ce cinéma-là, après tu es obligé de passer dedans. Le cinéma Cronen. Cronen. Pas mal de petites références. Exactement comme les Silent Hill, en fait, les rues de Silent Hill, en fait, c'est des auteurs de romans d'horreur. Le fait dans les endroits clos de pas voir le fond de la pièce, mais tu sais que ce soit noir et que ça apparaisse uniquement quand t'arrives à 10 mètres du truc, ça c'est des choses justement qui qui m'ont fait revenir un petit peu en arrière et qui m'ont justement fait apprécier le jeu. Des défauts techniques flagrants qui sont intolérables maintenant, mais qui, ça m'a fait plaisir de redécouvrir ça. Rien qu'à un moment, t'as un ennemi un peu plus gros que les autres que tu dois combattre, tu l'entends juste parce que tu ne le vois pas avant qu'il soit à 10 mètres, alors qu'il est énorme, juste à 10 mètres devant toi, parce que le reste c'est dans le noir, tu vois rien. C'est vraiment des sensations que j'ai pas ressenties depuis les premiers Silent Hill. Ouais. Où c'était ouais, typiquement ça. Le fait d'avancer dans des pièces, de plus trop comprendre la structure du bâtiment, de pas savoir la prochaine porte que tu vas ouvrir. Ça, c'est du mauvais level design. Ça. Non, c'était du mauvais level design dans Resident Evil 4, et tout le monde l'a sucé à l'époque, alors que le level design était dégueulasse dans RE4. Là, c'est pas du tout le cas, c'est le fait justement de perdre un petit peu. De faire perdre au joueur son sens de l'orientation. Son sens de l'orientation. Exactement. Et j'ai retrouvé ça là-dedans. Et c'est plein de sensations. Les environnements, ils ont une certaine incohérence dans la cohérence, en fait. Tu rentres dans certaines pièces. C'est comme Silent Hill. T'as des pièces qui sont cauchemardesques. C'est comme Silent Hill. Alors, et le côté technique, tout ça, dégueu, ça, je suis complètement d'accord. Et pense que si. Ça, je s'est dit. Ça s'est dit, redit. Voilà. Ça, oui, parce que on le nie pas. On le nie pas du tout. Mais par contre, je pense pas que j'aurais apprécié autant le jeu si j'avais pas été un vieux joueur. Tu vois, maintenant. C'est j'ai ça, connu les Silent Hill. En même temps, les joueurs l'époque. VR sont des vieux joueurs pour la plupart. Oui, non, d'accord, mais pas tous. Mais tu vois, si j'avais pas connu. Et surtout, je suis nostalgique aussi. Si j'avais pas connu les Silent Hill sur PS2 à l'époque, si j'avais pas adoré me perdre là-dedans avec ces principes de porte à ouvrir. Un truc qui est bien aussi, c'est que la carte, en fait, t'as un petit, t'as des petits tampons et c'est à toi de faire tes repères sur la carte. Il fonctionne maintenant. Quand j'ai sorti le test, 15 heures avant que je bouclais le test, ça fonctionnait pas. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu faisais apparaître la carte, et ben ton petit tampon en creux, il voyageait vers l'infini et au-delà. Et tu devais, comme je l'ai dit dans le test, jouer avec ouvrir la carte et jouer avec les déplacements pour pouvoir le recaler, en fait. Il suivait les mouvements de la main, mais il n'était pas au niveau de ta main. Tu vois, c'était catastrophe. Et quand tu voulais changer, parce que tu as différents signes encreurs avec différentes couleurs pour pouvoir mettre. Ça, c'est une super idée de pouvoir. C'est une super idée. De mettre vraiment les portes qui sont fermées et tout, celles où il y a un intérêt, celles où il y a une sauvegarde, des munitions. C'est une bonne idée. Ce qui aurait été bien, par exemple, tu vois, si le jeu avait été bien foutu, c'est que tu puisses te déplacer en ayant ta carte, par exemple, dans ta main gauche, tes petits tampons sur la main droite. T'essayes les portes, tu sors ton tampon, clac, tu mets ton coup de tampon pour dire que la porte est condamnée ou qu'il y a une énigme dedans. Mais voilà, moi je suis retombé vraiment les caisses, quand j'étais les caisses qui sont liées entre elles, les caisses de surplus là où tu déposes le surplus d'armes d'objets qui sont ça, liées c'est entre elles. C'est les premières résidentes, c'est les résidentes, même l'inventaire, les petits bruits de l'inventaire et l'ambiance qui change au fur et à mesure que tu avances, voilà, qui est jamais pareil, toujours moche hein. Mais jamais pareil, voilà. Moins moche à la fin. En fait, tout ce qui est les monstres, moi personnellement, pas tous, hein, mais certains, je les trouve quand même plutôt malaisants et assez bien fichus. Ils sont assez bien fichus. Pas tous, hein, je précise. Mais les boss, par exemple, celui qu'on voit dans le test, qui descend avec un crochet, là, il est exceptionnel. J'ai jamais vu ça. Après, quand tu vois le truc, et c'est ça, quand tu examines vraiment il y a cette patte Cronenberg, mais qui est vraiment appréciable à fond. Ah, c'est totalement. Refais-toi les films de Cronenberg, les plus dark. Hein. The Thing. Genre Non. Genre le festin nul, les trucs comme ça, ceux qui sont vraiment chelous, tu vois. Quand tu rentres dans la boîte de nuit, que t'as les danseurs, que bon, en fait, c'est. Attention, spoil pas trop, fais gaffe. Ah on le voit dans le test. Et on le voit dans le teaser. Ah bah si on voit dans le teaser, c'est bon. Donc qui sont l'un dans l'autre, tu vois, c'est ce mélange de monstres difformes, et c'est toujours ces petites notes, connotations sexuelles bien placées, c'est du Cronenberg à fond la caisse. L'aspect esthétique, c'est de la PlayStation 1 ou 2, de tout ce qu'on a connu, qui fonctionnait très très bien comme Silent Hill ou Resident Evil, mais tout ce qu'il y a autour, les mecs sont fans de tous les trucs cradingues, et ça se voit. Ça, c'est référencé, ouais. Et comme je dis, d'habitude, je me suis dit, ouais, ça va être pourri à la fin. Il va y avoir une chute, un saut vers l'infini. Et non, pas du tout. Plus tu t'avances, plus tu rentres dans le cauchemar qui est bien fait. l'histoire, la narration, elle est bien gérée. Elle est bien gérée et tout s'explique. Les monstres sont bien fichus, le design des monstres sont bien fichus. Il y a quelque chose. Mais c'est... Vivement le PSVR 3 pour avoir le remaster de Dragon Quarter. Il aurait été franchement. Comme ça, on aurait une version beau. PS2. Il aurait été beau. Ça aurait pas fait le même bruit de paix. Voilà. C'est ça qui le dessert direct. Et malheureusement, bah, on préfère avoir des jeux copier-coller pourris et bien fichus. Mais voilà. Mais je suis peut-être le seul à le voir. Tu sais, à un moment au départ, tu as une énigme et tu passes dans un appartement, tu as une espèce de cuisine ultra moche, et puis après tu arrives sur un balcon et tu vois l'extérieur qui est très très moche aussi. Et bien, ouais. Je sais pas, ça m'a fait une espèce d'impression bizarre et qui me fait dire que s'il avait été plus beau le jeu, je sais pas s'il aurait eu le même effet sur moi. Mais non. Ah, si ça avait été plus beau. Mais non, si ça avait été plus beau, tu vois. Je sais pas, les espèces de textures justement rouillées, craspec. Que tu regardes en haut et en bas avec l'espèce de ciel pixelisé rouge et tout, je te dis, j'ai eu l'impression un petit peu de jouer comme j'ai eu l'occasion dernièrement là à Quake 2 sur le Pico, le Pico 4 en VR. Toi, c'est pareil, c'est des graphismes old school, mais que j'ai connu à l'époque, donc du coup, moi ça me choque pas non plus que ça. Ça aurait été appréciable quand même que ça soit vraiment homogène, linéaire, dans un peu plus homogène. Ce qui gêne en fait, voilà, là, c'est par exemple quand tu es dans les rues décors. Et que tu vois les arbres qui arrêtent pas de se remapper. Parce que... Est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est fait exprès? Non, franchement, c'est que le moteur il est à chier quoi. Le moteur il est à chier. Bah, parce qu'au bout d'un moment, quand tu te dis que tu veux un aspect. Là... C'est quoi comme moteur d'ailleurs? Oh, j'en sais rien, non. Texas Instruments. Unreal Engine 2. c'est un moteur maison, ça se trouve. Hein, tu vois. Si ça se trouve. Mais. Mais en tout cas, on peut pas se dire que les développeurs se sont foutus de la gueule des gens, mais ils ont. Non. Moi, c'est comme ça que je le prends en tout cas. C'est vraiment des amoureux du genre, c'est des amoureux des vieux Silent Hill, des amoureux de Cronenberg. Je ne l'ai pas comparé à Afterlife VR parce qu'il n'y a aucune comparaison à avoir. Hein. Afterlife VR, c'est du foutage de gueule en puissance du début jusqu'à la fin. Tu vois, les mecs, ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie de tester des trucs. Là, ça se voit, mais petit à petit. Et après, bah, là, tu te régales. Tu te régales, tu rentres dans le métro, mais tu fais Afterlife VR, attention, c'était aussi leur premier jeu d'horreur, je crois. Ah mais ça, je m'en fous, il y en a, c'est leur studio et puis c'était leur projet le plus ambitieux, donc bon. Ah non, mais il y a d'autres studios, j'ai pas les noms en tête, mais bah, on peut parler de Red Matter, hein. Red Matter 2. Hein. Oui. Je sais pas combien de jeux ils ont fait derrière, mais sur une version. C'est pas pareil, là t'es sur un space opéra. On n'est pas encore sur le test. On n'est pas sur le test de Red Matter 2, attention. Non, on n'y est pas, mais je veux dire, l'environnement est différent. Enfin, tu vois, les jeux d'horreur, t'en as quand même une ribambelle et ils font légion, si tu veux, en VR. Quoi. Enfin, aujourd'hui, si c'est pas le type de jeu qui fonctionne le mieux ou qui est le plus représenté, on va dire, en VR, bah, je vois pas lequel c'est du coup, mais. C'est quand même, malgré le fait qu'il soit dégueu, alors de ce que je vous écoute dire, hein, malgré le fait qu'il soit dégueu, c'est quand même bien en fait qu'il arrive à être surprenant. Ah oui. Parce que tu vois, tu parles de Resident Evil, c'est plus trop le genre de jeu qui fait peur, quoi, tu vois. Enfin, non, ça, je parle pour vous, ceux qui avaient l'habitude. Mais c'est ça qui est un petit peu grave, tu vois. Ton exemple, moi personnellement, ça me fait plus chier. De faire, bah, sauf là parce qu'ils vont être en VR, tu vois, mais ça m'emmerde plus de voir un Resident Evil 4 remaster, en veux-tu, en voilà, de le refaire parce que c'est un jeu que je connais, qui va pas me surprendre, qui m'a surpris au début parce que voilà, c'était machin, mais après tous ceux qui ont suivi, c'est plus du Resident Evil, mais ça plaît. Mais à un moment donné, moi j'ai l'impression, tu sais, je regarde autour, mais est-ce que je suis le seul à voir qu'il y a un problème en fait? Vous jouez pas. Moi je dis, vous jouez plus à des Resident Evil depuis très longtemps. Et puis. Depuis le 4. Et ça ne choque personne. On peut parler du 6 aussi. Si mais personne ne voudrait un remake de Code Veronica. Je sais pas, mais il y a personne qui se manifeste. Ça va venir, t'inquiète. Non mais sans. Mais, ah bah oui, là, de toute façon, ils sont partis pour tout le fait. Pour tout ils sont fait, partis là. Non, mais tu vois, ils vont faire leur beurre là-dessus. Hein. Non, mais c'est ça que je serais vraiment toujours étonné. Enfin, je saisirais pas le truc, la logique. C'est que les gens aiment bien le confort. Et du coup, je t'arrête tout de suite. Les gens aiment bien, les gens aiment pas bien, les gens disent et tout ça, c'est non recevable. Il n'y a pas une parole unique. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est pour ça. Il faut faire attention. D'accord, mais d'un côté, il faut quand même que ces personnes réalisent un petit peu que le jeu vidéo en est arrivé là parce que il y avait de l'innovation, il y avait de la prise de risque, il y avait encore cette volonté de vouloir surprendre le joueur, de lui donner ce qu'il n'avait pas forcément demandé. Oui, mais Organ Quarter, c'est pas ça. Organ Quarter, c'est uniquement une reprise de code vieux de 20 ans. D'accord, mais le truc, c'est que là où, là où ça me chagrine un petit peu, c'est que à partir du moment maintenant où ça rentre pas dans le cadre du genre le jeu est super beau, ouah, le jeu, dès qu'il y a un jeu qui est beau, alors là c'est spotlight automatique. On ne sait pas s'il est nul, on ne sait pas s'il est bien, c'est spotlight direct. Ouais, mais ça c'est une génération tout entière qui a été. Enfin, on en avait déjà parlé aussi, mais le saut générationnel, on le voyait d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, on le voit de moins en moins, mais. Ah, mais c'était quelque chose d'ultra important pour nous, que ce soit une génération de PC. Ouais, mais regardez les Crysis. Des jeux comme Crysis à l'époque, quand il n'y Avait aucun PC qui arrivait à le faire tourner correctement quand c'était ça. Des jeux comme Far Cry, rappelle-toi. Oui. C'était incroyable, c'était la folie, quoi. Il y avait de la physique, tu pouvais détruire n'importe quoi. Mais là, on est dans le confort. Là, on est dans le confort, et en plus, on en parlait, voilà, l'abondance et le. Ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que maintenant, on est enfermé, on est dans cette bulle-là, enfin, pour la majorité, et que on est, je trouve ça déplorable qu'on n'arrive pas à aller plus loin et qu'on bâcle le truc. C'est, on y joue 5 minutes, on ne cherche même pas à savoir si le mec... Il y a des mecs quand même qui ont bossé dessus et tout. Et pour Organ Quarter, certes... Ouais, mais alors là, graphiquement, on veut te faire bouffer un truc que tu n'aimes pas, tu ne vas pas te forcer à le bouffer quand même. Mais oui, car non plus. Non, mais au moins... d'aller un petit peu plus loin, reconnaître les choses. Ce qu'il veut t'expliquer, et c'est un peu ce que j'ai vécu avec Song in the Smoke, c'est qu'il a découvert le jeu, et en fait, il n'a fait qu'être agréablement surpris ce qu'il lui propose. Mais si tu te contentes uniquement, malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça dépend des critères, mais de ne voir que son aspect technique, en fait, tu passes à côté de quelque chose. Et c'est là où il te dit finis ton jeu, parce que fais abstraction du côté technique, finis ton jeu, parce que tu verras est pas mal. Je suis pas d'accord avec ça, parce que moi, je te dis, j'ai tenu parce que. T'as tort. Non, mais j'ai tenu. En tant que bon donneur de leçons, t'as tort. Très bien. Moi, j'ai tenu sur Organ Quarter, comme je disais, parce que je suis un vieux joueur et que je suis attaché au Silent Hill de la PS2. Si j'avais pas eu ça, s'il n'y avait pas eu la musique aussi que j'ai trouvé vraiment excellente. Ça fait beaucoup, et ça fait beaucoup de choses. C'est, tu prends un truc, tu prends le petit côté Silent Hill, après tu prends les références cinématographiques, 2, tu prends la musique, 3, le rythme j'aime bien, qui est posé. Je me suis paumé dans la ville parce que je savais pas où aller. J'ai adoré ça parce que ça m'a rappelé des vieux souvenirs, en fait. Moi aussi, je me suis paumé dans un bloc. Il y a un bloc, deux blocs de maison. Ouais, on se paume. Et pourtant, il y a deux ruelles de merde. Ah, c'est ça. Et bon, vu que c'est un rythme lent et que tu étais là, tu regardes, tu tournes sur toi-même et tout. Mais ça a marché sur moi. Par contre, moi, je comprends quand même les gens qui, justement, s'ils n'ont pas les références, ils n'ont pas l'attachement, justement, de ces vieux jeux, de ces vieux codes, de ces vieux gameplay. Et qui veulent pas s'imposer non plus un jeu moche, parce qu'on le répète, le jeu est moche et techniquement complètement à la ramasse, et je le comprends aussi, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas non plus forcer les gens à insister sur un truc qu'ils veulent pas. En fait, je veux pas le... C'est pas que je veux les forcer. Bon, si je pouvais, je le ferais, mais non, je veux pas les forcer. C'est simplement, en fait, que moi, ce qui me saoule en tant que gamer, que ça soit plat, machin et tout, et puis multiplateforme, j'en ai un petit peu rien à battre de... Voilà, tout ce qui est Xbox, machin, les clans. C'est, en tant que joueur, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on se retrouve... en fait, je veux pas d'un deuxième Days Gone, en fait. Je veux pas d'un deuxième Days Gone. Parce que on a quelque chose en face, on a une proposition qui est super. Si les gens avaient regardé le studio, c'était eux qui avaient fait les Siphon Filter. Si tu connaissais les Siphon Filter, les gens auraient peut-être donné un petit peu plus la chance, tu vois, ou seraient peut-être allés plus loin que la forêt qui... C'est une réflexion de vieux gamer. Eh ben, désolé de l'être, mais... Eh bien, bienvenue chez les vieux cons. Alors, mais non, je ne suis pas... Non, je m'inclus pas. Toi aussi, tu as fait ton coming out. Je m'inclus pas. Je suis pas dans votre clan là. J'essaie un peu. Je vous regarde là comme ça. Dans ta tête, si. C'était mieux avant, El Rocco. Dites-le. C'est trop tard. Non. C'était mieux avant. Bah non. C'est bon. Non. T'es passé de l'autre côté. Bah non, parce que quand tu regardes, par exemple, Silent Hill, d'un point de vue gameplay, des trucs comme ça, c'est une horreur. Tu prends Silent Hill, au niveau de plaisir de jeu, et ben le gameplay, c'est une horreur. Comme Morgan Porter. Le mec, tu sais, voilà, il est lent, il est machin. T'appuies sur le bouton, il y a un delay incroyable. Comme Morgan Porter. Tu tires comme devant premiers, et tout, il tire mais dans comme les premiers là, Resident Evil, c'était pareil. Mais... c'était en fait dans la lourdeur. C'était dans la lourdeur du gameplay que tu faisais l'horreur, en fait. C'est ça aussi, ce style de jeu t'amenait l'horreur parce que ton personnage, bah, c'était une brique. Ouais, mais pas que, t'avais aussi l'ambiance tout autour. On en parle de la rotation dans Resident Evil. De la rotation dans Resident Evil. Allez, le gameplay tant que chaud. Le premier, il était chaud, purée. Et t'étais là, putain. Mais tout le monde, pas le gros de merde. Non, mais après, bon, voilà. Mais voilà, je déplore juste cette situation. Et on va dire que bah, maintenant que voilà, il y a VR 4 Player et que bah, je suis un petit peu dans la boucle, j'aurais quand même mon avis de connard à donner. Enfin, que bien sûr. Je donnerai. Je n'imposerai pas. Mais quand... C'est subjectif, de toute façon. Bah, c'est subjectif. C'est lié à son testeur, hein, de toute façon. Bah, les jeux qu'il y a sur le PSVR 2, si on est 5 à chacun faire un test, il n'y a pas un jeu qui aura la même note sur les 5. Hein. Moi, je trouve que quand même, quand je défonce Afterlife et voilà, je fais la part des choses, je trouve que quand même que je suis pas non plus complètement à côté de la plaque parce que je sais quand même un minimum reconnaître. C'est pas un jugement de ce que tu penses. Et je pense que les gens comprendraient pas le fait que t'es sur la défensive ce soir parce que vous avez des débats quand même assez houleux avec Laurent au sujet de Morgan Porter. Voilà. Moi, ce que je t'ai dit quand j'ai vu ton test, moi, je suis d'accord avec à peu près tout ce que t'as mis sur ton test. Sur ton test vidéo, il y a des choses qui sont un petit peu moins tolérables pour Laurent et qui sont même complètement rédhibitoires. Et je pense que on peut lui laisser un petit peu la parole parce que on a besoin d'avoir un petit peu de sang. Maintenant, tu peux lui couper le son. Non. Alors je vais vous expliquer comment ça a commencé cette histoire. Bah, bien sûr, on a fait la demande auprès du développeur. Ça a commencé par le Big Bang. Et là, on a dit, mince, on a un code d'Organ Quarter. Donc, le premier soir, je me suis lancé dedans, je crois. Et là, t'as vomi la douche, ouais, limite le vomi, mais pas du motion sickness, du motion sickness, mais par la mocheté, en fait. Donc, je démarre le jeu. Je me suis clairement dit... Les 10 premières minutes. Moche and. Voilà, c'est ça. Les 10 premières minutes, je me suis carrément dit, ils sont en train de se foutre de ma gueule. Clairement. Alors, il faut aussi savoir aussi que ça fait quand même 30 ans que je suis graphiste, que je baigne dans le pixel, que je suis toujours à faire attention depuis des années et même pendant mes études à ce que les images soient les plus belles possibles. Donc il y a certainement une déformation professionnelle qui fait que quand je suis dans un jeu, je vais repérer à des kilomètres le raccord de texture qui ne sera pas raccordé. Ça, c'est clair. Et du coup, quand tu tombes là-dedans, mais t'es même pas en train de te dire t'as que pas je une moche. Texture qui est raccordée même avec elle-même. Il y a rien. Mais c'est encore plus fou. Et tout, c'est plus fou que ça. C'est que t'es même pas en train de te dire qu'il y a un mauvais raccord. C'est que t'es en train de te dire qu'ils ont fait exprès de faire un truc moche, parce que tu dis que même un stagiaire, c'est il aurait un pas hommage. Été capable. Même un stagiaire, il aurait pas été capable. C'est vintage. Donc ils ont dit là, la texture, ah non, elle est trop belle là. Allez, fous de la merde. Et puis, tu la pixelises à mort pour qu'elle soit encore plus dégueulasse. Tu dis, voilà, on en est là. Donc au début, déjà, tu te sens. C'est vrai, et ça, je pense que c'est tout le monde, même toi, El Rocco, qui a aimé le jeu. Au début, tu te dis, waouh. Tu te prends une baffe dans la tronche. C'est vrai que t'as un effet waouh. T'as un effet waouh dans Regarde, c'est vrai. Là, j'ai arrêté. Et premier truc, je suis allé sur le Discord. J'ai dit, putain, là, je crois qu'on tient la crème de la crème. Il faut que vous alliez voir ça. Donc, il y avait El Rocco est arrivé. Il dit, t'inquiète, je m'en occupe, je vais aller voir. Et puis le lendemain, il me dit, putain, il est super ce jeu. Donc là, je dis, merde. Alors, du coup, j'y suis retourné une deuxième fois. pareil. Et donc, en rentrant dedans, j'ai dit, je vais essayer quand même d'y aller. Je suis allé jusqu'aux premières bestioles pour voir la gueule qu'elles avaient. Mais elles ne me faisaient même pas peur, les bestioles, parce qu'elles étaient tellement mal fichues que j'étais plus en train de regarder leurs bras carrés que regarder ou leur texture moche. Ou tu attrapes une poignée de porte pour ouvrir une porte et tu as ta porte qui s'ouvre magiquement d'un coup, sans un seul mouvement, sans aucune animation. Alors, l'animation des personnages, bof. Et puis il y a aussi cet inventaire que je m'attendais à voir logiquement. Le flingue. Le flingue, quand tu tires, il fait un bruit de prout. Il ne fait pas un bruit de pistolet. Et puis en plus, il est moche ton flingue, on dirait un bout de plastique. Et puis t'as pas d'inventaire avec quelque chose qui s'ouvre où tu peux choisir tes armes. Même le son, il y a un moment, il y a eu un truc criard qui m'a percé un tympan. Du coup, deuxième fois, bon, je suis allé un peu plus loin, je retourne sur le Discord et puis entre temps, ben, le Rocco elle va vachement avancé. Dit mais non, t'as rien compris. Donc après, j'ai dit, mais c'est, je suis taré, il y a un problème et tout. Il faut que je me. Et je suis retourné une troisième fois. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas un jeu pour moi en fait. Et c'est là où ce jeu-là, il est. Il y a certaines rédactions qui vont être capables de lui foutre 2 ou 3 sur 10, et d'autres qui vont peut-être lui en mettre un 9,5. Et ça dépendra vraiment, c'est très personnel en fonction des personnes, en fonction des gens et des. Moi, le côté nostalgique de tout ce qu'il y avait PS2, PS1, je suis pas du genre à garder des jeux stockés comme vous, dans un mur et de garder tous mes jeux. En général, la PS5 elle sort, les jeux PS4 marcheraient pas sur la PS5, j'aurais déjà tout viré quoi, j'aurais plus de PS4 à la maison. Et j'ai fait pareil quand j'ai acheté la PS4, la PS3 elle a disparu, et je fais comme ça tout le temps. Et je suis toujours dans cette optique d'avancer. Et là, dans mon optique d'avancer, surtout ayant connu les jeux PSVR et me retrouver sur Organ Quarter sur PSVR 2, c'est pas une impression de reculer que tu as, c'est une impression de prendre une machine à voyager dans le temps et de te retrouver. Et là, je suis pas en train de me dire c'est, je suis nostalgique voilà. Du truc, je suis en train de me dire je veux plus ça, j'en veux plus. Comment il le regarde, on dirait son enfant. Quoi. c'est la vie. Donc là, Silent Hill 2 Sei, pour ceux qui écoutent, Sei montre l'édition limitée ou spéciale de Silent Hill 2. Où y c'est avait la seule le... qui était sortie à l'époque. Hein. C'est la seule qui était sortie à l'époque. C'est sûr que avec le making of. J'ai encore les Super Nintendo, j'ai la PS3 qui est derrière moi, j'ai encore des consoles, mais ça fait peut-être 5 ou 6 ans qu'elles sont restées dans un carton en fait. Et j'ai même pas envie d'y retourner. Comme je te dis, en fait, le seul truc qui peut te tenir en fait dans Organ Quarter, c'est juste la nostalgie et l'envie de te remettre en VR dans un jeu et dans un gameplay, dans une rythmique. De progression vraiment d'un autre âge, mais qui fonctionne par contre, parce que les créateurs sont vraiment des amoureux de ce style de jeu, de ces styles de jeu là. Ils en ont compris toute la grammaire, ils l'ont traduit justement dans leur jeu, qui est sorti récemment. Je sais pas, Organ Quarter, il me semble qu'il était sorti aussi 2017. Sur 2017, voilà. Donc sur ça date... Steam, mais avec des avis très positifs. Ça date. Oui, ça date. Très bon, il est très positif. Hein. Parce que les joueurs ont noté les références. Et je l'ai déjà dit pendant des émissions. Moi, je suis capable de me plonger dans un jeu, même s'il est moche, s'il est plein de bonnes attentions. Moi, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Et j'ai pas l'impression qu'Organ Quarter, justement, ait rien à proposer et été fait par des gens qui sont là uniquement pour te proposer un jeu tout pourri. Où faut taper des poussins. Et par exemple, sur la PS3, en fait, le jeu qui m'a le plus marqué, et je l'ai déjà dit et je le répète encore, c'est un des jeux les plus moches de la PS3. C'est Deadly Premonition. C'est le jeu qui m'a le plus marqué sur cette console. C'est pas des maîtres de. D'ailleurs, je t'ai écouté, il arrive normalement prochainement. Et attention, accroche-toi. Hein, c'est. Je sais. Techniquement, c'est chaud. Mais par contre, si t'arrives à rentrer dedans, c'est une super expérience. Je donne la chance. Donc c'est pour ça, moi, Organ Quarter, franchement, je valide parce que. Il m'a parlé. Alors, le jeu m'a parlé. Après, c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a tellement de types de joueurs différents, comme on dit. Et puis, c'est pas trois types de joueurs qui existent. C'est des milliers de types de joueurs qui existent. Et du coup, eh ben, il y en a qui vont suivre un conseil et qui vont être archi déçus. Moi, ce jeu, après 3 essais, je n'y jouerai pas parce que je trouve ça pathétique. Mais par contre, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres joueurs qui vont essayer ça et qui vont dire, putain, ils vont prendre du plaisir, ils vont adorer le truc. Et c'est là où on s'est dit, putain, mais il y a quand même un problème, parce qu'on est en train de noter un jeu Organ Quarter à 6,5 sur 10, là où on pourrait mettre un 7 ou un 7,5 à un Horizon. Et c'est du coup, on a réactivé, alors ça je voulais en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question pourquoi on a fait ça. Vous allez voir sur la chaîne YouTube que sur nos vignettes maintenant, il y a un petit icône ABC sur chacun de nos tests. Et pour éviter de se poser trop de questions, on a séparé les tests en trois poules, en trois ligues. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 comme au foot. Ligue 1, on va dire que c'est tous les AAA, les gros studios, les studios cotés en bourse, ceux qui ont les moyens, qui sont des équipes énormes. C'est le A, on va dire la Ligue Or. La Ligue Argent, ça va être plutôt des petits studios indés. Et puis la dernière ligue, la Ligue C, ça sera plutôt des très très petits studios qui n'ont pas de moyens, qui souvent font des petits jeux, et c'est sûr quand tu vois la personne, elle est toute seule, elle peut pas être de partout, hein, faut pas rêver, elle va pas te faire un trailer de folie, elle va pas te faire un site internet de folie avec une communication de dingue, et ça sera plutôt la Ligue C, tout en sachant que des jeux comme Red Matter 2, où finalement ils étaient que deux développeurs, plus deux développeurs pendant le gros du développement, donc quatre personnes, méritent largement de passer en Ligue B. Donc ils peuvent changer de ligue, les jeux entre eux. Et du coup, c'est plus facile parce qu'au moins, on se dit qu'un 6,5 sur la Ligue C ne vaudra pas forcément un 6,5 sur la Ligue A. Et du coup, ça reste cohérent au niveau des notations, parce que là, du coup, on allait vite se retrouver. Moi, j'étais plutôt en panique là-dessus, en train de me dire, mais merde, si on met 6,5 à Organ Quarter, comment on va faire pour tout le reste? Parce qu'il nous reste que 3,5 pour monter au top, quoi. Dites-moi merci, hein, j'ai simplifié les choses grâce à mon test. C'est bien, c'est ça qui m'a le plus paniqué, en fait, dans cette histoire, c'est que c'est là où ça a mis en évidence qu'il y avait un souci. Au niveau des notations, c'était pas si facile, quoi. On se retrouvait devant un ovni, et cet ovni, il fallait arriver à le placer au milieu de tout ça, et du coup, c'était plus cohérent avec les notations qu'on avait. Après, moi, j'en étais presque à dire, eh ben, écoutez, on va mettre des notes à 15 sur 10. On va augmenter de 5 points pour les suivants, quoi. Bon. En tout cas, voilà. Les avis sont quand même très partagé. Moi, je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo d'El Rocco. Je la trouve assez juste, en tout cas, dans tout ce qui est dit dedans. Et drôle. Laurent un peu moins. Et puis... sa vidéo, elle est super drôle. Par contre, le jeu en lui-même, il m'a pas fait peur, quoi, parce que je peux pas avoir peur de. C'est pas qu'une question de peur. C'est pas une question de. Non, mais t'as pas été assez loin, je pense. Parce que même s'il est pas beau, franchement, il y a des trucs, c'est tellement pas beau, justement, que c'en est gênant et dérangeant. Mais tu peux. Enfin, moi, je peux pas aller plus loin, quoi. Non, mais c'est sûr. Toutes les secondes, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je fous là? Donc, j'y suis allé trois fois et tu te dis. C'est ton pare-feu, c'est ton pare-feu de designer. C'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Puissant. C'est typiquement le style de truc que je peux pas. Laisse tomber, c'est pas la peine. Je me fais chier. Je préfère aller passer, parce que là, Humanity, je dois en être à 15 heures ou voire 20 heures bientôt. Toutes mes soirées, je m'éclate. Mais on va pas faire le test ce soir. Organ Quarter, faites-vous votre avis. Essayez de voir notre vidéo pour voir ce que vous en pensez. Hein. Ça peut peut-être essayer de vous aiguiller, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans un style de joueur ou dans l'autre. On va passer du coup maintenant à. Bah Red Matter 2, tiens, t'as commencé à en parler, Laurent. Tu vas pouvoir te faire plaisir. Alors, Red Matter 2, est-ce qu'on est d'accord que c'est un petit peu la preuve que l'effet Mura, que le sweet spot, que l'effet de grille, etc., et la reprojection, merci Majo, c'est pas un problème de casque, en fait? Oui, globalement, oui, sur l'ensemble. Alors Red Matter 2, j'ai été méchant avec lui. Les gens de VR4, tout le groupe de VR4Player peuvent en être témoins, parce que je me suis dit, allez, encore un jeu de Quest. On va encore se bouffer du Quest. Et puis bon, c'est sûr qu'on commence à t'habituer. On a vu les portages qu'il y a eu. Et puis c'est pas que moi, hein, parce qu'il y a des joueurs sur le Discord qui ont des Quest Pro ou qui ont des Quest 2 et qui ils sont bien conscients que par rapport à un Quest 2, il y a certains jeux PSVR 2 qui sont moins nets que des jeux Quest 2. Le pourquoi de la chose, c'est que bien souvent, notamment pour des portages PSVR, bien souvent, ils ont gardé des résolutions, ils n'ont pas utilisé les résolutions natives du PSVR 2, ils ont peut-être balancé le jeu en 1440p, et puis du coup, il s'affiche flou. Dans le PSVR 2, tout à l'heure je vous parlais de Sense Riders, où j'avais été déçu parce que celui-là je l'attendais et j'avais été déçu parce que je l'avais trouvé flou. Également Pistol Whip, qui est pas, il est bien, il est net, c'est pas le problème, c'est pas quelque chose qui va vous gêner, mais tu t'aperçois que t'es pas dans une résolution native, les tracés sont pas limpides, c'est pas nickel. Et j'y croyais presque plus, j'en étais arrivé à me dire putain, mais quel jeu va vraiment envoyer du pâté. Et pour moi, ce qui envoyait le plus du pâté, j'aimais bien The Last Clockwinder, j'aimais bien Horizon, j'aimais bien GT7 dans le mode où c'est que tu vois ta voiture là, que tu peux tourner autour. Mode showroom. Je disais, putain, voilà, le mode showroom, je trouvais que oui, là c'était beau. RE8, voilà, ces trucs-là. MOS aussi, il est pas moche. Et puis il y a Rainmatter 2 qui se pointe, un petit jeu espagnol qui est développé par deux développeurs salariés qui, pendant la production, ont dû agrandir un peu leur équipe parce qu'ils étaient surchargés de boulot. Ils ont pris deux autres développeurs en intérim, plus un musicien. Et ces cinq personnes, eh bien, ils ont monté ce petit jeu qui a fait un gros succès sur Quest 2, qui a été même une vitrine visuelle technologique sur Quest 2. Et le méritait. et sur PC, où le jeu était... Il y a beaucoup de gens qui ont dit d'ailleurs que la version Quest 2 était aussi belle que la version PC, ce qui n'est pas vrai parce que ce n'est pas les mêmes définitions. Il y a des ombres dynamiques dans la version PC qu'il n'y a pas dans la version Quest. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Mais bon, c'était un jeu qui était réputé beau, content de le voir arriver sur PSVR 2. Je démarre le truc sans vraiment avoir de... Et là, c'est la claque. Parce que tu t'aperçois que tu es devant le jeu, sur les 60 jeux sortis sur le PSVR 2, tu es devant le jeu le plus net de tout le catalogue. Et là, je pèse mes mots. Donc du coup, là, je vois ce truc, je l'essaye, je me dis, mais putain, mais qu'est-il arrivé à mon PSVR 2 ? J'avais l'impression d'avoir un autre casque, presque. Et du coup j'ai dit, bon, bah, allez, hop, je contacte directement le studio de développement, surtout que j'avais déjà... pas mal discuté avec eux sur Rainmatter 1 sur le PSVR qui était déjà très très bien aussi et c'est là qu'ils m'expliquent en discutant, je leur ai dit comment vous avez fait, je comprends pas, donc en fait ils ont dit que, et c'est là qu'ils ont mis en lumière un souci qui apparemment a pu se répercuter sur l'ensemble des autres jeux du PSVR 2, c'est de dire que concernant Unreal Engine 4, donc il n'y a pas que des jeux Unreal Engine, il y a d'autres moteurs, mais concernant ce moteur en particulier, en fait le dev kit de la PS5 a une molette que tu peux régler, ou dans lequel si tu actives le rendu fovéal, donc c'est pas un rendu fovéal dynamique, hein, c'est un rendu fovéal où juste le pourtour est flou et ton axe principal est net. Et donc à partir du moment où tu actives ce rendu fovéal, tu vas pouvoir donner une définition de maximale à ton centre de l'image en fonction de ton framerate, en fonction de tout ce que tu as mis dans ton jeu pour que ça tourne. Et eux, ils se sont aperçus que leur jeu n'était pas très très lourd en fait, parce que au niveau des polygones, au niveau des modélisations, ce jeu-là, il a pas plus, il a même, à mon avis, il a moins de polygones qu'un Fisherman's Tale par exemple. Donc ça c'est vrai, et ils compensent ça justement par des effets de reflets métalliques de partout, ouais. Et plein de petits trucs en fait qui te font regarder un petit peu à droite à gauche et qui fonctionnent très très bien, et justement c'est un petit peu de la magie justement. Oui c'est de la magie d'optimisation. Et au final ils ont mis la molette à fond et puis ils se sont aperçus que le jeu était encore flou et ça, ils n'étaient pas satisfaits de ça, ils sont que 4 quand même. Et puis là ils ont dit bah écoute, la molette elle est à fond, et bah, faudrait la booster plus fort. Donc ils ont démonté Unreal Engine 4, ils ont recodé le moteur de Unreal Engine 4 pour permettre dans cette fonction là de pouvoir aller au-delà de la fonction maximale qui est proposée par le dev kit. En faisant ça, ils ont bien sûr boosté l'image à fond les ballons, en la mettant vraiment plus grande que ce qu'elle pourrait être, et ils se sont aperçus qu'il y avait un niveau où c'est qu'ils avaient beau mettre plus, il n'y avait pas d'amélioration, ce qui voulait dire qu'ils étaient au maximum de ce que pouvait donner le PSVR 2 sur ce réglage là. Et en plus de ça, ils ont balancé du 120 FPS natif. Il n'y a aucune reprojection. C'est vraiment calculé 120 images secondes nativement. Et donc, cette chose-là fait un double effet qui se coule. c'est que le fait d'avoir une image supérieure à la définition native du casque, c'est ce qu'on appelle le super sampling. Bah, l'effet principal du super sampling, c'est que c'est le truc parfait pour diminuer l'anti-aliasing. Et du coup, l'aliasing, il n'y en a plus. En plus, l'image, elle est nette, mais c'est un truc de dingue. Vous allez de voir. Loin. Surtout de loin, c'est ça ouais, qui ouais, qui ou même, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que depuis qu'on a l'habitude du PSVR ou même certains jeux PSVR 2, on est toujours en train de prendre des documents sur des tables et puis on prend notre papier pour essayer de lire ce qui est écrit sur la feuille. Là, tu passes à côté d'une table, tu bouges la tête, tu regardes la feuille qui est sur la table, tu arrives à lire ce qui est dessus. Les photos. Ouais. Et là, ce qui est écrit, c'est du cyrillique. Hein. C'est, oui. C'est ça le pire. Et on mais t'arrives à. Bien. Tu distingues les caractères. Tu distingues les caractères. Petit. Et donc. Et les photos, oui. Les photos, l'aspect. Les photos, c'est ouf. L'aspect glacé, ouais, les traces. Le grain. Plus surpris au début. Le grain du papier, tu as même ça. Tu as même. Les reflets métalliques de tes outils que tu as dans tes mains. Des photos avec du vernis mat et d'autres avec du vernis brillant, avec des traces, des empreintes de doigts sur le vernis brillant quand même. Tu dis putain, sur les vitres, dingue, quoi. Les rayures faites, on sait pas comment. Les rayures sur les vitres aussi, ouais. Les traces de nettoyage mal faites sur les vitres, c'est une dinguerie. Ouais. Une dinguerie. Donc, alors déjà, c'est clairement une vitrine technologique pour tous ceux qui se demandent si le PSVR 2 est net ou pas net. Si vous avez des doutes, prenez ce jeu-là, vous allez voir ce que c'est qu'un jeu net et ce que le PSVR 2 est capable d'envoyer, surtout. Ensuite, on attaque et puis on démarre le jeu. Le jeu, dans sa globalité, j'ai trouvé sympa. Le 1 était très fermé. On était quand même souvent dans des environnements fermés de stations spatiales. Celui-là, il est un peu moins claustrophobe parce que, à quelques fois, tu vas pouvoir sortir de la station et tu vas te retrouver devant des environnements super, super beaux. Et du coup, au niveau de l'histoire, c'est pas un jeu d'aventure. C'est pas un gros jeu d'aventure avec du fight contre des machines et des pistolets, des machins, des trucs. C'est surtout un jeu d'énigmes. Au début, les énigmes sont plutôt faciles. Sur la fin du jeu, c'est un peu plus corsé, mais c'est pas non plus inaccessible. Donc globalement, il est bien équilibré. En durée de vie, on va dire qu'en 7 heures, à mon avis, il est bouclé. Mais c'est tellement une bonne surprise que franchement je l'ai mis direct dans les coups de cœur parce que clairement c'est un maître étalon graphique et technique. Ouais. On sait maintenant ce dont est capable le casque, en tout cas au niveau hardware, pur et dur. On sait que il est capable de sortir des trucs comme ça. On sait que voilà, si les développeurs ont de l'idée, ont du talent, on peut avoir des choses qui sont pas forcément du niveau de switchback, quoi. Ouais. Donc Et ensuite, il y a la petite surprise, parce que c'est vrai, quand tu te spoiles pas, que tu connais pas le jeu, parce que ce jeu-là, on le connaissait pas sur PSVR, nous. Et tu vas pas spoiler. Donc, non, mais je veux dire, tu enchaînes tes énigmes, mais au niveau de la mise en scène, tu as des musiques qui sont très épiques, très... Les changements d'ambiance, musique, t'as vraiment l'impression d'être dans un film. Donc tu sens que derrière c'est des fanas d'Interstellar, c'est des fanas de je sais pas quoi. Ou la matière noire, matière rouge quand tu rentres avec tes visions. Les structures organiques, là c'est pareil. Les structures organiques, les textures sont vivantes. Tu vois que ça bouge, les pores des ça bouge, quoi. Tu te dis putain, c'est trop bien. Et puis surtout, y a une insertion dans ce Red Matter 2 d'une petite partie gameplay de shoot. Alors, vous attendez pas à un truc de malade. Les robots sont cons comme des bites. Ils vont IA 0. Ils vont pas venir vous chercher. Mais entre deux énigmes, y a des moments, ça te permet de changer un petit peu de truc et finalement c'est super sympa. Après, c'est sûr qu'un Red Matter 3 a encore du boulot à faire avec plus d'environnement, plus pouvoir aller plus loin dans le système solaire, avoir plus d'ennemis, moins bêtes les ennemis, plus d'ennemis, plus de batailles. Mais en tout cas, ils sont carrément sur la bonne voie et c'est un truc de dingue, c'est un truc à faire à tout prix, quoi. Une bonne claque, quoi. Il y en a d'autres qui ont essayé. Donc, El Rocco, toi, tu l'as essayé. Majo aussi. Ouais. Mais tout le monde l'a essayé, en fait. C'est vraiment le jeu, de toute façon. Lolo nous a dit, oh là là, c'est la folie, incroyable, jamais vu ça, meilleur jeu. Alors, pour que Lolo ait Lolo... ça... ouais, c'est vrai que... obligé d'aller l'essayer. Ouais, c'est alors, effectivement, ouais, c'est vrai que c'est relativement bluffant. Alors après, il en a pas parlé, mais bon, il triche un peu, hein. Faut... Faut pas se leurrer, ouais. Parce que bon, on dit effectivement, on sait de quoi le casque est capable maintenant, etc., etc. Moi, je dirais, on sait de quoi il est capable dans sa définition maximum. C'est ça. Des jeux, de ce que ça peut rendre. Après, on est sur quelque chose qui est quand même relativement léger en ressources. Ouais. Donc, faut pas oublier, c'est un jeu qui a été à la base développé pour l'autonome. Mais pas moche. Et qui était déjà ultra. Comment ? Léger en niveau de ressources, mais pas moche, hein. Ah non, non, pas moche. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu qui a été pensé justement pour. Dire, il est pas vide. Il est pas vide. Et. Yes. On est quand même sur. C'est un jeu dans l'espace. Quoi, voilà. Et l'espace, on sait que c'est épuré, c'est des surfaces lisses. C'est mais à l'intérieur, t'as quand même des caisses, t'as des outils, t'as des machins. T'as pas d'animation de mouvement, t'as pas énormément d'intelligence artificielle en face. Tu vois, il y a aussi toutes ces ressources qui ne sont allouées que pour. T'as pas de PNJ vivant réaliste. T'as pas de PNJ qui vont être super lourds en gestion. T'as pas de. Ouais, au début, t'as trois têtes en tout. Mais tu. A contrario, il y a quand même les pardon Lolo, pour finir ce que je disais. A contrario, tu as quand même les personnages quand tu en as qui apparaissent à l'écran. Je trouve qu'ils dénotent vachement avec le reste de la réelle. Hmm. Oui, ouais, en hologramme, ouais. Ouais, les hologrammes, ils sont pas. Ou les parties hologrammes où justement, tu sais pas trop si c'est un hologramme ou si c'est un vrai bonhomme, et tu vois que l'animation, le type pour se relever de son lit à un moment, tu vois. Ça que, switch. Ouais, c'est un peu. C'est comme s'il y avait un glitch et que ça. Par exemple, les environnements sont très très froids, très épurés, très spatial. Donc tu te retrouves dans des pièces quasiment vides avec certes des textures de malades qui sont super réalistes, mais tu n'auras pas une plante dans le coin d'une plante. Rien qu'une plante, c'est super compliqué parce qu'il y a énormément de ramifications et au niveau des polygones, c'est ce qui va bouffer de la mémoire en fait. Donc il y a très peu de plantes, il y a très peu de. C'est vraiment très froid, très vide. Les mêmes développeurs, ils auraient eu avec la même capacité, la même puissance un jeu comme Horizon à faire dans une forêt équatoriale avec des PNJ humains qui bougent et tout, ils n'auraient pas pu le taper à 120 FPS et le super sampler comme ils ont fait. Donc c'est sûr qu'ils avaient cet avantage là et ils en ont profité et c'est là aussi où là je suis vraiment ok avec le studio, c'est qu'ils ne se sont pas contentés à faire un portage bête et discipliné sur PSVR 2, ils sont allés bien plus loin, notamment les textures dynamiques, ils ont cherché à faire le maximum, les textures dynamiques, ils se sont aperçus qu'en activant le rendu fovéal sur le PSVR 2 ils avaient plus de patates que prévu, donc du coup ils ont dit sur PC il y avait déjà les textures dynamiques qui n'étaient pas sur Quest 2, mais ils avaient un petit regret, c'est que pas mal de textures dynamiques ne fonctionnaient pas sur PC, ils les avaient pas faites en fait. Alors que là, sur la version PSVR 2, ils ont pu faire tout le jeu comme ça. Ils ont passé du temps à faire que les ombres dynamiques. Ils ont poussé le moteur. Ils ont cherché pour retrancher leur jeu au maximum. Et c'est là où tu vois qu'un petit studio, il doit faire ses preuves et il va pas se contenter du minimum. Il a bien géré l'aptique aussi. Hein. Oui, bah tout. L'aptique, c'est de la folie. Le décollage de la lune, mais exceptionnel. Ah oui, quand le casque qui vibre, t'as vraiment l'impression que s'il y a une poussée dessous, tu dis putain, ça le fait carrément. Et eux, je les attends sur leur prochain jeu, c'est clair, parce que là, ça a été la claque. Bon, après, le jeu en lui-même, en termes de. C'est-à-dire de plaisir de jeu, il y a des petits trucs un petit peu plus ou moins chiants quand oui, même. Oui, redondant. Après, voilà, si on sort de cette vitrine technologique, le jeu en lui-même, c'est un enchaînement d'énigmes, de scanners. Tu scannes tout. Ça peut gaver les joueurs. C'est là où Red Matter 2 ne finit qu'avec un 7,5 sur 10, sur son, malgré toutes les louanges qu'on lui porte. Pourquoi 7,5 sur 10 ? Parce que rejouabilité 0, on va dire. Je lui ai mis 3, je crois. Et puis c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont bloquer sur une énigme. C'est le jeu qui peut durer 7 heures, comme il peut durer 30 heures, parce que si tu passes à côté d'un truc, tu peux vite te retrouver. Tu fais le tour très vite. Hein. Et comme voilà, t'avances pas très vite, tu avances plus. Par exemple, un truc tout bête, il y a un niveau où c'est que tu as un système d'ascenseur. Et tu as besoin d'un fusible que tu dois passer d'un niveau à l'autre. Et si tu as le malheur de balancer ton fusible dans l'autre niveau quand la porte se ferme, le fusible ne revient pas sur toi. Et tu peux plus avancer, en fait. Tu es coincé. Et il y a des petites choses comme ça qui vont pas. Où le fusible devrait réapparaître. Level design, quoi. Voilà. Il y a des petites choses comme ça qui vont pas. Mais franchement, ouais, c'est une chouette aventure. Et puis tu t'y crois. Et. t'es dedans quoi, t'es dedans, t'es pas en train de tu regardes le jeu au début, tu dis putain waouh, et là c'est un vrai waouh. Et puis après t'es même plus en train de chercher la petite bête quoi. Et c'est là où on parlait du Murat. Quand t'es dans un jeu comme ça, le Murat, si tu le cherches, tu le trouves. Et ben là, t'es là-dedans, tu vas même pas le chercher le Murat parce que t'as autre chose à faire en fait. Tu t'as tellement de choses à voir que le Murat, tu l'oublies. Quoi. En tout cas, voilà, une bonne grosse claque, je pense, commune pour ce Red Matter 2. Alors un jeu qui reste quand même assez classique dans sa progression, oui, qui est loin d'être parfait, qui est quand même voilà, qui dure 7 heures. Si vous aimez pas les jeux d'énigmes, ben passez votre chemin. Mais exactement. Qui reste quand même, en tout cas, nous, ça nous a quand même aussi, ça nous a mis un petit peu du baume au cœur, justement, de savoir ce dont était capable le casque techniquement et concrètement. On sait que maintenant, ça existe, on sait que c'est possible d'avoir ce genre de rendu-là, donc maintenant, par contre, après ce jeu-là, je pense qu'on risque d'être encore un peu plus exigeant, par contre. On va être pour la Ligue B. J'ai un petit truc qu'on n'a pas parlé, je voulais parler du souci du détail sur ce jeu-là. Notamment quand tu prends une bouteille, tu as le liquide à l'intérieur de la bouteille, et quand tu bouges la bouteille, tu vois le liquide qui bouge avec les vagues dans la bouteille. Tu jettes la bouteille, tu arrives à casser la bouteille. En plus, ça fait un son quand tu casses la bouteille, un son de bouteille qui se casse, contrairement à After the Fall. Wow. et les trucs à la con quand tu es sur la planète, la lune de Triton, et que tu regardes la planète, donc c'est Neptune qui est face à toi. Les nuages sur la planète bougent aussi, donc l'atmosphère c'est pas un JPEG qu'ils ont posé sur la planète, c'est les nuages bougent aussi. Tu casses les bouteilles avec le liquide, par contre le liquide n'est pas sur le sol. Non, le liquide n'est pas sur le sol, mais il fait un joli splotch contre le mur. Ah, il fait un joli splotch. Mais il est pas sur le sol. Tu cherches la trace, elle y est pas. C'est des petites choses qu'ils auraient pu améliorer. Est-ce que c'est bien nécessaire au... Là, franchement, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire, mais je veux dire, ils sont que deux l'équipe, et ils ont pondu un truc. Disons qu'ils ont pondu un truc qui remet en question pas mal de jeux de gros studios. Quand tu vois Switchback, je sais pas combien c'est. C'est le jeu du cœur. Deux aussi, apparemment. Switchback ? Non. Non. Troll. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a et à mon avis Sony et PlayStation, ils devraient faire attention à leur dev kit parce qu'ils ont mis quand même ils ont mis le doigt là sur quelque chose qui veut dire que le dev kit, même en le mettant au maxi, on peut aller plus loin et les développeurs ne peuvent pas le faire s'ils vont pas trifouiller dans le dev kit. Ça serait dommage, ça serait bien qu'ils communiquent justement là-dessus. Je pense que ça a déjà... Ouais, c'est peut-être un garde-fou volontaire aussi. C'est possible, mais il faudrait qu'il y ait une clé pour pouvoir le déverrouiller, parce que maintenant que Red Matter est passé par là, on parlait de Walkabout Mini Golf également, qui je trouve pas qu'il soit super net, alors que ce jeu-là, il mériterait du 120 FPS natif, et en plus, il pourrait, sur une PS5, il pourrait y aller à les doigts dans le nez, il mériterait le même traitement, quoi. Justement, est-ce que du coup, ben voilà, on a fait le tour un petit peu de Red Matter 2. Est-ce que tu veux faire un micro-test de Walkabout Mini Golf, et après ce qu'on avait prévu, je pense qu'on va le reporter pendant 2 semaines parce qu'on est déjà presque à 3 heures d'émission. Ouais. Même si les gens aiment bien les émissions longues, bah nous quand même, on a du boulot demain. donc Walkabout Mini Golf, tu te sens un speed test? Oui, un rapido. Walkabout Mini Golf, un jeu de mini golf, pas très joli. Sachant que la balle est en voxel, vous voyez. Alors, donc j'ai discuté avec les développeurs. C'est du très simplé graphiquement. Faut pas chercher, faut pas s'attendre à quelque chose de poussif. C'est simple, c'est coloré, c'est crédible parce qu'on n'est pas là pour non plus contempler le décor. On est là pour jouer au golf. On peut quand même. Un petit peu. Bah, c'est vrai. Le deuxième niveau des Highlands, ouais, tu regardes un peu à droite à gauche. Faut pas regarder les arrière-plans parce que là tu pleures. Hein. Mais si, il y en a un qui est pas trop mal, c'est l'Atlantide, là, le monde sous l'eau. Mais t'es toujours dans ce look un peu simplé. Après le jeu en lui-même, la force de Walkabout Mini Golf, ça reste son gameplay et la physique de sa balle, qui est à peu près correcte. Elle reste correcte à partir du moment où elle reste sur le terrain. Si tu tapes trop fort, par contre, tu vois ta balle qui fait n'importe quoi dans les arrière-plans. Elle va rebondir 10 fois. Les sauts, quand ça doit vraiment faire des sauts, et des fois sur certains passages, t'es obligé de de jauger un petit peu ton élan justement pour que ta balle aille pas trop loin ou pas trop près, ouais, pour pas tomber dans un trou avant ou après le trou. Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est chaud par et moment. C'est un peu chaud quand même. Hein. Mm. Après, au niveau quantité de mini-golf, je sais plus combien il y en a, mais je crois qu'il y en a au moins 13, 14 ou un truc comme ça. Ceux qui vont, c'est multijoueur, le jeu est complet, il propose tout un tas de trucs. Je comprends tout à fait qu'on puisse s'éclater à 4 potes à jouer à ça ou à 10 potes à jouer à ça et se faire, ouais, des tournois. Franchement, là encore, c'est pas un jeu qui chope à 9 sur 10, mais notre système de notation, c'est quand même plusieurs systèmes de notation. Et après, en général, j'essaye de faire une moyenne basse ou haute de tous ces systèmes, ce qui donne des fois des jeux qui pourraient avoir 8 sur 10, mais qui ont une faiblesse à quelque part et qui se retrouvent avec des notes un peu inférieures. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans le test, je vous invite toujours à bien regarder les notes sur chaque point et pas forcément de se concentrer sur le final. Parce que tout à l'heure, je parlais de Red Matter 2. Pour moi, c'est un jeu qui mérite un 8,5 ou un 9 par rapport à ce qu'il propose pour ces deux petits studios en Ligue B, pas en Ligue A. Mais c'est sûr que ça réduit sa note parce qu'en rejouabilité, il n'était pas bon. Donc, il ne faut pas non plus toujours se limiter à ça. Et Walkabout Mini Golf, c'est un jeu que vous allez prendre du plaisir. Si vous aimez déjà ce genre de jeu, si vous aimez jouer au mini golf, la physique est super. Il fonctionne bien. J'ai pas eu trop de soucis. Si j'ai eu un souci de, j'ai eu pas mal de soucis de décrochage du PSVR, mais c'est pas vraiment lié au jeu. C'est un peu le même style de problème qu'on a eu sur Moss, où on avait le sol qui bougeait quand. Mais alors Walkabout Mini Golf, c'était encore pire parce que quand je baissais la tête pour regarder mes pieds, ce que tu fais souvent en jouant au golf en plus, parce que, oui, tu regardes ta balle, le sol se fixait à mon casque et quand je relevais la tête, j'avais tout le décor qui partait avec moi dans le casque. Ouais, gerbotron total. Je vous dis pas la gerbe. J'ai fait des essais, j'ai éteint parce que j'avais un lustre qui était juste au-dessus de ma tête, j'ai éteint ce lustre-là, j'ai remis des spots derrière pour voir si ça marchait un peu mieux. Je me suis même acheté une lampe infrarouge pour essayer de m'éclairer un peu mieux. J'ai l'impression que ça va mieux, mais je vous en reparlerai de cette lampe infrarouge, mais je vais d'abord faire pas mal de tests sur plusieurs jeux avant d'être sûr de pas dire des conneries. Mais voilà, Walkabout Mini Golf, c'est un jeu qui a déjà fait ses preuves. C'est un bon jeu. Sur, ouais, sur mobile, enfin sur casque autonome. C'est un bon jeu détente, bonbon. Moi, j'ai sur le Pico 4. Je ne l'ai pas testé sur PSVR 2 encore, même pour voir la différence. Je trouve que c'est un jeu qui suffit à lui-même et qui a quand même pas mal d'environnement. C'est un jeu bonbon, quoi. C'est un jeu bonbon. Tu rajoutes à ça le multijoueur, comme tu disais, avec des potes. Ça me rappelle Golf It sur Steam. C'est un petit jeu de golf comme ça où. Bon, par contre, tu pouvais faire sauter la balle pour esquiver des obstacles, des trucs comme ça, mais dans la mentalité, ouais, c'était un peu similaire, vraiment le party game avec des potes, foutre sur la gueule, se vanner, se gêner aussi, voilà, faire sauter la balle, la pousser et tout, c'est pas mal. D'un point de vue fun, ouais, ce jeu, il est pas mal. Ça le différencie. Ça le différencie d'Everybody's Golf, qui était d'ailleurs le seul jeu de golf, je crois, sur PSVR 1. Oui. Qui était full solo, je crois aussi. Et les puristes du mini-golf vont être contents, mais ceux qui sont juste là pour s'amuser et qui n'ont pas envie de se prendre la tête, il y a un niveau où ils inversent justement la pesanteur. Et du coup, tu dois jouer avec la balle au-dessus de ta tête et à l'inverse, comme ça, avec ta balle. Les puristes du mini-golf, tu crois vraiment qu'il y a une ligue genre de mini-golf? Ah oui, il y a de tout. Ah, sur ces règles, bien entendu. Tout ce que tu peux imaginer, ça existe. Bah oui. Si. Et en plus, c'est un jeu que tu peux faire tester à des gens qui sont assez novices en VR et qui sont pas. Je pense pas que ça soit un truc qui donne le motion sickness et tout. S'il n'y a pas de décrochage, ça craint rien. Si ça décroche, parce que c'est le problème, c'est vraiment quand tu baisses le casque, ah ouais, et que tu regardes en bas et que t'as les deux caméras qui visent le sol. Si t'as l'éclairage qui vient d'en haut, t'as des ombres qui peuvent être. Faudrait pas avoir une lumière comme ça. Ça me fait avoir une lumière qui t'éclaire par en dessous, en fait. Ouais, mais il aime pas la lumière directe. Non, oui, justement, il faut vachement doser. Il faut vraiment trouver son éclairage pour tamiser, pour virer. Ça, c'est un peu chiant. J'ai encore eu zéro décrochage sur. Aucun jeu. Niveau éclairage, tu dois. Attends, t'es Monsieur Bug, hein, toi. T'as joué à Demeo ? Demeo, non. Non. Je suis passé. Est-ce que t'as joué à Walkabout Mini Golf ? Non, tu l'as dit. Voilà. Alors, c'est les jeux où ça décroche le plus. Pour vous raconter quand même jusqu'où je suis allé, c'est que dans mes systèmes de branchement, d'éclairage et tout ça, vu que j'ai deux PSVR 2 à la maison, du coup j'ai essayé le deuxième casque pour être sûr que ça venait pas d'un casque. Et sur les deux, j'ai décroché. Donc c'est bien la lumière, quoi. Ouais, d'accord. Le casque dans la bouboule. La bouboule. Dans la bouboule. De vendu. Ok, bah messieurs, je pense que déjà c'est une bonne petite émission. On avait encore 2-3 petites choses à vous dire, mais je pense qu'on va les garder quand même pour dans 2 semaines. Il n'y a rien de pressé, rien de presse. On a le temps, on est chill, tout va bien. Je vous remercie, messieurs, en tout cas, d'avoir participé à cette 101e émission. Mais avec plaisir. Oui, vous, partagez. Voilà. Je remercie les auditeurs de nous suivre toujours avec autant de fidélité et de gentillesse, de commenter, de nous retrouver sur toutes les applications de podcast, de rajouter des étoiles si l'émission vous plaît et pour motiver un petit peu les troupes ici, à ceux qui ont participé aussi au Tipeee de VR4Player dont le bouton normalement est toujours sur la page d'accueil du site. Je vérifie mais je crois que oui. Ceux qui envoient des merci dans les commentaires des vidéos et qui nous donnent des sous justement par ce petit bouton là aussi, bah merci à vous, ça nous fait chaud au cœur et puis bah on va se retrouver dans 2 semaines en pleine forme, enfin qu'on commence un peu plus tôt si on a envie de faire une émission aussi longue que celle-ci, oui. Ouais, je pense. Et puis on vous fait des gros bisous et puis à bientôt sur VR4Player. Ciao bisous, salut. J'ai coupé court, mais j'ai quasiment plus de voix là. On est à 3 heures d'émission presque. Moi je suis en train de m'endormir là, depuis tout à l'heure. Je voyais la lutte. Moi j'ai... Ah ouais, putain, je penchais de plus en plus. Moi j'ai fermé la porte derrière, il doit faire 35 degrés dans la pièce là en fait. J'en peux plus. C'est bon, motivé, allez. C'est dans le best-of, ça. On arrête. Cool. Oh merde. Quelle déception. Oh là là. On était en plein doublage d'animé là. Allez, je lance aussi. Tac, c'est parti. Tac. Et puis. Putain, je suis con, j'ai viré mon texte pour. Propagation. Dagagé, oui, je suis.